toute la création t'adore. Tu es le véritable au-dessus de tout. Nous voulons mourir sur la croix avec le Seigneur Jésus. Si véritablement nous avons entendu sa voix et nous continuons à entendre sa voix, prions et implorons la grâce de notre Seigneur de nous préserver afin que véritablement nous mourons sur la croix avec lui, sans se décourager et ni se détourner de la croix, du calvaire de la croix. Car il a dit, le Seigneur a souffert et nous a laissé un exemple pour que nous suivions ses traces, comme il a souffert, que nous acceptons aussi souffrir, car il a accepté souffrir pour porter nos péchés. Oh. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Oh, ta bonté, ta miséricorde, ta grande compassion, Dieu du ciel et de la terre. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te rendons grâce et gloire de ce que, Père, tu as souffert sur la croix pour porter nos péchés afin de nous donner une espérance vivante. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te disons merci. Et il t'a plu, Seigneur, de nous appeler afin que nous entendons ta voix et que nous nous rassemblons, ô Dieu, pour prendre ce que tu nous donnes. Oui, Seigneur, nous l'acceptons avec joie et nous désirons encore Père, entendre chaque jour ta voix afin de marcher dans tes voies que tu as tracées. Et pour entrer dans cette promesse merveilleuse, ô Seigneur, cette espérance vivante que tu nous as accordée. Dieu du ciel, nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te disons merci. Merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, merci pour ton amour immense. Cet amour insondable, ô Dieu, que tu as manifesté en notre faveur, que tu nous as fait connaître. Seigneur, nous voulons nous attacher à toi. À cause de cet amour, nous voulons nous agripper sur toi, Seigneur. Car c'est toi ce qui nous a aimé le premier et tu nous as fait connaître ce que c'est que l'amour, l'amour véritable. Tu t'es donné toi-même à la croix à Golgotha afin de porter nos châtiments, afin de porter sur toi, ô Dieu, nos peines, nos difficultés, pour nous rendre libres et nous donner une espérance vivante. Seigneur, nous ne pouvons, ô Dieu, rester insensibles à cette bonté. Nous te sommes extrêmement reconnaissants, nous te disons merci. Nous te disons merci de tout notre cœur et nous te prions, Seigneur, d'être toujours étonné à lever les yeux vers toi, à la croix, et accepter et rester sur tes pieds, Seigneur, afin de vivre cet amour que tu as répandu sur la terre en notre faveur. Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, préserve notre pied de glisser, préserve tes enfants, car tu as offert en nous, pour nous, Seigneur, le sacrifice rédempteur. Oui, tu nous les as donnés. Tu as versé ton précieux sang pour nous racheter. Et nous t'appartenons, nous sommes ton peuple, nous sommes à toi. Et nous voulons te suivre, suivre les traces, ô Seigneur, que tu as tracées, suivre tes empreintes sur le chemin, pas à pas avec toi, car tu nous as fait grâce d'entendre ta merveilleuse voix, d'entendre, ô Dieu, ta belle voix donnant depuis le ciel et parlant à notre cœur avec un doux et léger murmure. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous voulons te suivre et marcher sur tes voies et mourir si cela est ta volonté. Et souffrir si cela est ta volonté, toujours de tout notre cœur et par amour pour toi, car tu nous as donné l'amour véritable, l'amour qui vient du Père des Lumières, du Père de toute grâce excellente. Seigneur, nous te disons encore merci. Merci pour cet amour, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, merci pour ta compassion. À toujours et pour toujours, l'honneur et la gloire te reviennent, Père, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Que la grâce et la paix de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Bonsoir et bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Alors que son onction est encore sur vous, restez juste calme en sa présence et que votre cœur l'exalte. Seigneur, merci. Merci. Seigneur, merci. Merci alors que tu sanctifies le cœur de ton peuple. Merci, Père, alors que tu sanctifies le cœur de son peuple. Tu purifies le cœur de ton peuple. Tu nous purifies de toutes nos iniquités à cause du précieux sang que tu as versé à la croix. Merci, Seigneur, parce que nous venons avec des fardeaux sur le cœur et nous rentrons déchargés sur toi. Merci Seigneur, tu es un Dieu incommensurable. Il n'y a point d'autre Dieu que toi Seigneur. Tu es le seul éternel, le seul rédempteur, le seul sauveur en qui nous nous confions, notre rocher et notre Seigneur. Merci Père, car toujours et à perpétuité que dans nos cœurs nous t'exaltions. Nous te célébrerons, ô Père, que nous contemplions la magnificence de ta gloire dans nos vies et dans la vie de tous ceux qui nous ont précédés et de ceux qui viendront jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Donne-nous de t'aimer toujours. Donne-nous que ton amour grandisse en nous. Donne-nous, ô Dieu de gloire, d'être des témoins fidèles et véritables, Père, pour la cause de ton royaume. Et de ce glorieux royaume que tu nous as donné, ô Père de gloire, la grâce d'y participer. Donne-nous d'être les héritiers dignes, qui ne dilapident pas les biens de son Père, mais qui met à juste titre, Père de gloire, pour perpétuer et transmettre aux générations futures. Donne-nous d'être les héritiers qui portent dignement ton nom. Donne-nous de sanctifier ton nom. De nous glorifier en célébrant ton nom par nous et les louanges qui sortent des cœurs purs. Donne-nous par conséquent de vivre des vies conséquentes, Père de gloire, de cette rédemption que tu nous as donnée. Merci pour l'adoption. Merci Père de gloire parce que tu as choisi, ô Dieu, toi le grand Dieu des cieux, créateur de l'univers dont notre pensée ne peut pas saisir. Il t'a plu de me lire avant la fondation du monde. Il t'a pu délier mon frère et ma soeur avant la fondation du monde et de nous assigner cette sainte vocation. Afin, ô Dieu de gloire, qui sommes-nous pour célébrer à la louange de ta gloire? Qui sommes-nous les pauvres mortels pour participer et oser même prononcer ton nom glorieux? Qui sommes-nous? Donne-nous, ô Dieu de gloire, disparaître au milieu de toi et au devant de toi, de nous rabaisser, de disparaître comme la poussière, Père. Mais c'est toi qui nous as invités par le sang du sacrifice. Tu nous as invités, Père de gloire, afin qu'au nom de Jésus-Christ, nous venons devant de toi pour invoquer ton nom majestueux, ton nom grand et redoutable, ton nom saint. Donne-nous de prononcer ce nom avec grand tremblement. Donne-nous de vivre une vie conséquente, Père, et de savoir que tu es notre Dieu qui voit tout, tout de nous, qui sait tout de nous, et là où nous allons. Merci d'avoir un Dieu comme toi. Ô Seigneur, nous sommes contents d'avoir un Dieu comme toi, en qui nous pouvons nous confier dans de bons et dans de mauvais moments. Nous nous remettons entre tes mains. Je prie, Père de gloire, pour le cœur de tous ceux qui sont ici. Que toi-même tu soutiens le cœur des afflictions, Père de gloire, de l'ennemi. Et que tu lui donnes les forces, au Père de gloire, et la force. Pour nous ici, pour tous ceux du monde entier qui nous écoutent, dans tous les moyens, au Dieu de gloire, qu'ils auront à nous écouter. Nous prions, Père, que tu sanctifies leur cœur et que tu leur donnes de tenir ferme malgré l'opposition. Pour ceux qui sont seuls, Père de gloire, isolés dans leur coin, donne-leur de comprendre que tu dis dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, que tes yeux parcourent la terre, pas pour chercher des groupes, mais tu peux chercher ceux dont le cœur est tout entier. Que quel qu'en soit le cas, Père, s'il est isolé, si elle est isolée, qu'elle ne dise pas qu'elle est seule, car tu es avec elle. Tu es avec lui pour le conduire dans les verts pâturages. Seigneur, donne à tes enfants d'entendre ta voix, cette douce voix. Donne-nous d'entendre et de toujours écouter de toi afin de marcher dans la direction que tu veux pour nous. Que ton nom seul soit élevé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ est bon. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous permettez donc qu'on voit les Écritures. Comment vous sentez? Vous sentez bien, pas vrai? Vous savez, quand Dieu souffle sur le cœur, il souffle sur vos pensées, il souffle sur votre âme. Vous savez tout simplement qu'il est là. Amen. Amen. Pas de grands bruits, mais vous savez tout simplement qu'il est là. Que Dieu vous bénisse. Donc, s'il y a des téléphones qui sont ouverts, fermés avant qu'on commence. On commence, on entre dans les Écritures. Donc, soyez vraiment respectueux là, parce qu'on va toucher un thème qui va aller dans plusieurs séries. Je ne sais pas combien ça va aller ni comment ça va, le Seigneur va diriger cela. Mais on va toucher un thème qui va aller dans plusieurs. On va toucher un thème qui va aller dans plusieurs séries. Et je préfère prendre votre question à la fin. Non. Qui est ici? Je préfère prendre votre question à la fin. Si il y a une question, il y en a. Mais j'aurais souhaité qu'on ne pose pas de questions, mais qu'on rentre dans les Écritures pour voir quelque chose. Dieu voulant. Mais avant cela, pour ceux qui vont participer aux jeunes de août, il est question qu'on donne les directives par rapport à ces jeunes-là, n'est-ce pas? Donc le jeûne de août, particulièrement, va être axé sur l'accomplissement de la promesse de Dieu dans nos vies. De la promesse, pas des promesses. De la promesse. De la promesse. Donc, de l'accomplissement de la promesse. Mais pendant qu'il était en prière, le Seigneur m'instruisait de travailler sur un thème. Mais ce jeûne ne s'est pas passé. Mais il y a un thème particulièrement. Je ne sais pas comment il veut faire qu'on fasse là. Le thème est là, mais ça me fait un genre. Ça me dérange parce que c'est un truc sensible au milieu de l'église. Et le Seigneur veut qu'on travaille là-dessus. Donc, ce jeûne s'est pas passé. On va travailler. Je ne sais pas comment il veut que nous fassions cela. Mais il y a une situation à résoudre au milieu de l'église. J'étais en train de regarder, pendant que j'étais dans la prière, j'ai regardé cette situation et j'ai dit, waouh, c'est vraiment un handicap terrible pour l'église. Donc on va travailler dans un thème. Donc ce jeûne s'il va passer, on sera obligé de travailler sur un thème. Je ne sais pas comment ça va aller, ni comment il va orienter, mais j'ai essayé de regarder qu'il y a un thème qu'il faut qu'on travaille, comme si c'est un obstacle majeur dans les vies privées des chrétiens. Il faut qu'on enlève cela. Donc, je vais vous donner des passages dans les directives par rapport au jeûne de août. Donc, tout le mois, on va jeûner, n'est-ce pas? Donc, le jeûne va porter sur l'accomplissement de sa promesse pour nous. Ça, pas ses promesses, parce qu'il y en a des milliers de promesses là-bas. De sa promesse. En lisant les passages que je vais donner, vous allez savoir de quoi il est question. D'accord? Donc, durant ce mois de jeûne de août, vous prenez le temps de lire particulièrement le livre des Jean, puis des Actes des Apôtres. Et là, je vais donner des... Vous allez lire cela, dans tous les livres de Jean, chapitre 1 au chapitre 21, puis Actes, chapitre 1 jusqu'au chapitre 28. C'est ça, c'est sur ça qu'on doit passer du temps. Mais là, je vais donner des versets spécifiques, et là-dedans, et dans d'autres passages de la Bible. Dieu vous aide et Dieu nous aide. Qu'il nous bénisse avec cela. Mais souvenez-vous, après ce août-ci, Dieu voulant, on va travailler un problème. Ah, Seigneur. Mais on va résoudre cela. C'est lui qui veut que ça soit résolu. Oh, Seigneur Jésus. N'est-ce pas, il est merveilleux? Donc, c'est de l'accomplissement de la promesse dans nos vies, comme j'ai dit dans un des enseignements qui annonçait ceci. Donc, durant ces moments, il faudra lire, passer du temps dans la méditation, dans le livre de Jean, chapitre Jean, le livre de Jean, et puis les Actes des Apôtres. Vous suivez, n'est-ce pas? Oh, Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Notez également Jean chapitre 1. J'espère que vous me suivez. Soyez vraiment respectueux. Il faut qu'on travaille. Après cette annonce, il faut qu'on travaille. Jean chapitre 1, le verset 33. Vous y êtes. Jean chapitre 14, 15 et 16. Souvenez-vous que vous allez lire le livre de Jean entièrement. Le livre des Actes des Apôtres entièrement. Mais lorsqu'il cite les versets dans Jean, quand tous les versets que vous citez maintenant en aparté, en les lisant, en les regroupant ensemble, vous allez savoir de quoi il est question. Lorsque vous allez lire le livre des Jean et le livre des Actes des Apôtres, d'accord? Donc je vais vous donner les versets spécifiques. Pendant que vous allez les lire, vous allez lire ces versets-là et là, vous priez avec cela. Jean chapitre 14. Chapitre 15, chapitre 16, vous y êtes. Vous avez noté? Jean chapitre 4, verset 10 à 14. Souvenez-vous, dans la lecture, lisez dans cet ordre-là, que c'est donné ainsi. Dans cet ordre, c'est-à-dire que si vous lisez Jean chapitre 14, 15, 16, puis vous allez dans Jean 14. S'il y a un livre qui vient avant Jean, lisez cela avant d'aller rentrer encore dans Jean, d'accord? Donc, je dis Jean chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16. C'est ça, n'est-ce pas? Je vais commencer par dire Jean chapitre 1, verset 33. Il dit ça? Mm-hmm. Voilà. Jean chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16. Mais dans Jean chapitre 4, verset 10 à 14. Vous devez noter. Marc. Chapitre 1, verset 1 à 8. Marc chapitre 1, verset 1 à 8. Vous y êtes? Matthieu chapitre 3, verset 1 à 12. Matthieu chapitre 3, verset 1 à 12. Vous avez noté Marc, n'est-ce pas? Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, verset 5 à 8. Jean chapitre 20, verset 22. Jean, chapitre 20, verset 22, vous y êtes? Luc, chapitre 11, verset 1 à 13. Luc, chapitre 11, verset 1 à 13. Actes des apôtres, chapitre 2, versets 16 à 18. Vous y êtes? Ésaïe, chapitre 35. Ésaïe, chapitre 35. Nous lisons à chapitre 2, versets 16 à 18. Ésaïe, chapitre 35, c'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? Luc, chapitre 18, versets 1 à 7. Luc chapitre 18, verset 1 à 5. Vous voyez que Dieu nous a donné un climat serein où ça permet, on peut prêcher véritablement, n'est-ce pas? 1 à 5. Vous voyez que Dieu nous a donné un climat où on peut bien prêcher, pas vrai? Pas vrai? Amen. Luc chapitre 18, verset 1 à 7. C'est bon? Ésaïe 54. Ésaïe 54. Actes des apôtres, chapitre 5. Verset 32. Souvenez-vous que dans votre lecture pour la méditation, pour la prière, vous lisez dans cet ordre-ci. Comme c'est en train de venir. Si Ésaïe vient avant Actes des apôtres, lisez d'abord Ésaïe, puis Actes des apôtres. Même si vous allez ouvrir Actes des apôtres quatre fois par la suite, il faut que ça soit dans cet ordre-là. J'ai dit Ésaïe 55, 54, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai dit Actes des apôtres, chapitre 35, chapitre 5, verset 32, n'est-ce pas? Apocalypse, le livre d'Apocalypse. Chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, les versets 16 et 17. Les versets 16 et 17. Vous y êtes. Jérémie, le livre du prophète Jérémie. Chapitre 2. Jérémie chapitre 2, versets 12 et 13. Jérémie chapitre 2, versets 12 et 13. C'est bon? Ésaïe 55. Ésaïe 55. Vous y êtes? Jean chapitre 7. Verset 37 à 40. Jean chapitre 7. J'ai dit ça, n'est-ce pas? Verset 37 à 40. Actes des apôtres chapitre 2. Verset 22 à 33. Vous y êtes. Ézéchiel, le livre du prophète Ézéchiel. Chapitre 36, 36, versets 22 à 38. Vous y êtes. Donc je dis Ézéchiel, chapitre 36, versets 22 à 38. C'est compris? Actes des Apôtres, chapitre 5, chapitre 10 cette fois-ci. Vous allez donner chapitre 5, n'est-ce pas? Chapitre 10. Versets 36 à 47. Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 36 à 47. Souvenez-vous, c'est par rapport aux jeunes qu'on va engager en août. J'avance. Ce qui précédait, c'était Ézéchiel, n'est-ce pas? Mm-hmm. Je vous ai donné Ézéchiel, chapitre 36, versets 22 à 38. N'est-ce pas? Et Ésaïe, chapitre 30. Ésaïe, chapitre 30, versets 8 à 26. Ésaïe, chapitre 30, versets 8 à 26. Vous y êtes. Luc chapitre 24, verset 36 à 50. Luc chapitre 24, verset 36 à 50. Je continue. Romains. Chapitre 8, verset 1 à 16. Et enfin, Galates, chapitre 4. Verset 1 à 7. Soulignez maintenant. Soulignez et vous prenez, le DE. Je vais que vous me suivez très attentivement. Comme vous avez noté, soulignez et puis en bas vous allez mettre un verset que chaque fois en priant avec ceci, ce verset doit devoir être dans votre cœur. D'accord? Vous notez les passages ne vont pas vous quitter, c'est à dire que si vous pouvez que ça reste gravé sur votre cœur avant que vous n'entrez là-dedans. Je ne sais pas si l'instruction peut être bien claire, c'est à dire qu'avant qu'il n'y ait pas pour lire, par exemple, le premier verset que je vous ai donné, Jean chapitre 1, verset 33, il faut que les deux versets que vous allez noter maintenant soient sur votre cœur, de telle sorte qu'on n'a plus besoin de lire ça chaque fois. D'accord, Hébreux. Chapitre 4, le verset 16. Hébreux chapitre 4, verset 16. Et que Dieu vous bénisse vraiment et je prie que qu'il vous visite. Un Jean. Chapitre 5. Verset 14 et 15. Donc, avant que je ne commence, voici le 1er août arrive, par exemple. Si vous le voulez, avant le 1er août, méditez sur ces deux passages, c'est que ça reste sur votre cœur, comme si vous n'avez pas besoin de regarder la Bible pour connaître son contenu. Vous me suivez, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin de la Bible pour savoir son contenu. C'est-à-dire qu'avant d'aller dans la Bible, que ces versets résonnent dans votre esprit. Gardez ce qui est dans ces deux passages-ci, dans votre esprit, avant d'entrer dans la lecture de tout ce qui va se passer durant ce moment de jeûne. Et lorsque vous vous consacrez dans ce moment de jeûne là pour travailler, fermez les téléphones que rien ne va vous distraire. D'accord? Donc vous avez votre temps de prière. Vous allez ou bien où vous allez devant Dieu avec les passages que vous avez à lire. Malgré votre lecture des Jean et Actes des Apôtres. Chaque fois quand vous allez dans votre prière, vous allez avec les passages là. Avec ce que vous avez sur le cœur dans votre esprit. Je prie que le Saint-Esprit vous guide et vous conduise lui-même. Durant ce moment de jeûne. vérifiez que vous n'avez pas de distraction, parce que Satan n'aime pas ces choses-ci. Il veut garder les gens dans l'ignorance, dans la captivité de la chair, sachant que si on sert Dieu dans la chair, on est en train de s'embrouiller. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Mais je voudrais le dire, avant ou bien après ces jeunes, il y a un travail minutieux à faire au milieu de l'église. D'accord? Donc que Dieu vous bénisse. Voilà pour ce qui est par rapport à l'instruction des jeunes de août. Alors, je suis à votre service. Il disait donc qu'il y a un sujet sur lequel il faut travailler. Maintenant, le moment où on a de laisser, qu'on a de vivre sur la terre, et c'est normal que ça arrive ainsi, plusieurs styles de prédication sont en train d'être prêchés. Plusieurs styles de prédication, et c'est normal. Parce que Galates chapitre 1 nous dit qu'il y a des gens qui veulent renverser l'évangile de Christ. N'est-ce pas? Il y a des gens qui veulent renverser l'évangile de Christ. On ne renverse pas l'évangile de Christ en... L'évangile de Christ n'est pas comme un immeuble qu'il faut pousser avec le caterpillar, non. L'évangile de Christ n'est pas comme un... Comment je veux dire? L'évangile de Christ n'est pas comme une voiture où on peut soulever et renverser, non. Renverser l'évangile de Christ veut dire apporter un autre évangile qui lui est contraire. Ou bien qui va créer des troubles. Là maintenant, on met l'évangile de Christ. Et remarquez très bien que c'est ce qui est là. C'est la Bible qui est attaquée dans toutes les directions. Dans toutes les directions, toutes les religions. Quand on va parler n'importe quoi, dans les musiques mondaines, dans les choses, pour se moquer, ce sera par rapport à la Bible. Les chrétiens et le Seigneur Jésus. Et c'est normal encore. Parce que la Bible avait dit qu'ils vont nous se moquer de nous. Il y a beaucoup de gens qui vont venir avec leur raillerie. On va nous mépriser à cause du beau nom que nous portons sans s'en rendre compte. N'est-ce pas, frère? Donc, alors nous allons commencer une série aujourd'hui sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ. On va toucher tous les aspects tels que la Bible parle. Je ne sais pas combien ça va durer. On va toucher des aspects de cette divinité. Plusieurs groupes s'élèvent maintenant sur la surface de la terre. D'autres enseignent qu'il était noir, que Jésus était noir, que Dieu est noir. Le peuple congolais, le peuple bantou, c'est le vrai peuple juif. Bon, maintenant, et puis ça fait quoi? Si c'est eux qui avaient été en Égypte et que Dieu les a fait traverser la mer Rouge, leur mer Rouge c'est en direction pour venir plutôt à l'Afrique australe, leur Jérusalem, peut-être ça peut être Yaoundé, Kinshasa, ou bien Bangui ou n'importe où dans le sud. Le simple fait que les langues se ressemblent, ou bien que le nom des lieux peut se ressembler, suffit pour monter des théories et sortir des démonstrations comme on peut pour essayer de renverser l'évangile de Christ. On peut dire que le nom, vrai nom de Jésus-Christ, non, ce n'est pas Yeshua. Comme d'autres disent que c'est Yeshua. D'autres disent que c'est Isaïa. C'est autant de choses. Voilà les choses qu'on a sur la terre aujourd'hui. Entre temps, les gens s'érigent dans un autre côté, cet accent d'être le fils de Dieu promis, le Messie qui devait venir. Donc, c'est par groupe par groupe. D'autres personnes disent clairement que Christ n'est pas Dieu. D'autres personnes parlent de l'intraductible nom de Jésus, du Christ. Donc, on ne peut pas traduire le nom. Donc, c'est pour dire le nom Jésus-Christ qu'on a aujourd'hui est faux. Il faut Yeshua. Hamashia, nécessairement. D'autres disent que le prophète des Noirs était le prophète Simon Kibangu, en qui il faut croire. Sinon, on ne croit pas à ça. Il y a ses écrits, on ne peut pas entrer. Donc, il y a plusieurs groupes. D'autres, maintenant, sont des virulents, les plus virulents, qui ne sont pas chrétiens du tout, sont les Kakouistes. Donc, les Kakou, des Kakou Philippe, disent que, à moins que vous croyez au prophète Kakou Philippe, vous n'avez pas la vie. Ayez pitié de lui et priez pour lui comme il se trouve en prison. Priez pour lui pour qu'il ne chope pas une maladie qui va le conduire à la mort. Priez pour lui pour qu'il ne chope pas une maladie qui va le conduire à la mort. Que Dieu ait pitié de lui. Donc, ce qu'il veut dire, donc, c'est qu'il faut qu'on voie cet aspect. Alors, maintenant, l'autre aspect, c'est les gens plus virulents maintenant, les témoins de Jéhovah, pour eux, ça ne fait pas marche. Ils nient la divinité du Seigneur Jésus-Christ parce qu'en fait, ils nient d'abord toute la Bible. Donc, pour eux, on ne peut pas faire guerre avec eux, ni quoi que ce soit avec eux. Mais il y a des sectes pernicieuses plus subtiles. Il y a l'une d'entre elles, c'est qu'on appelle des Way International. The Way International, ils ont des adeptes qui sont sortis de là. Et je crois que, sur Bamba Iba, vous avez les enseignements tels que la nécessité de nettoyer des déchets issus des dénominations. Et dans ces enseignements-là, j'ai tenté de dire, par la grâce du Seigneur, que lorsque les gens sortent des dénominations, dans différents groupes, il faut le nettoyage. S'il n'y a pas de nettoyage, vous allez perpétrer l'un des enseignements, bien les enseignements de ces groupes que vous êtes sortis sans vous en rendre compte. Et dans cet enseignement, j'ai pris référence au Actes des Apôtres chapitre 15. La Bible déclare Actes des Apôtres chapitre 15 que il y a eu des discussions parmi les Juifs menant les Pharisiens qui étaient convertis en Christ, que si vous ne faites pas les rites, comme tel que Moïse dit, vous ne faites pas circoncis et observez la loi de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvé. Or, la révélation de l'évangile, c'est qu'on est sauvé par la foi en le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, il venait comme ça ajouter à la foi du Seigneur Jésus-Christ les rites et les rituels qui étaient fixés pour un temps charnel jusqu'à l'époque des réformations. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui s'est arrivé? Ce qui est arrivé, c'est que les pharisiens qui croient en une chose sont quittés sans être nettoyés. Ils sont entrés dans le corps des chrétiens. Ils voulaient amener ce qu'ils ont transformé là-bas pour l'intérêt, pour créer le trouble. Donc, plusieurs personnes sont comme ça. Donc, je disais donc que les adeptes, enfin, vous savez, beaucoup de sectes, et c'est normal, les sectes vont se fractionner et vont continuer à se fractionner. Quelqu'un n'est pas d'accord pour une doctrine, il entraîne d'autres. Il y a des gens qui observent le sabbat, qui vivent dans le sabbat sans être les adventistes du septième jour. Ils auront des doctrines, mais vous allez regarder la souche, ils sont issus de l'adventiste du septième jour. Ils ont entraîné avec eux l'observance du sabbat, ils vont vouloir imposer ça aux gens d'observer le sabbat. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont observer le sabbat selon eux, pas selon la Bible, parce que selon la Bible a des règles rigides par rapport au sabbat. Comment il va faire donc pour appliquer ça aux chrétiens? Il va falloir maintenant qu'il commence lui-même à contextualiser certaines choses, à donner lui-même ses propres définitions de certaines choses. Je prends un exemple simple. La Bible déclare par rapport au sabbat que les lampes ne devaient pas s'éteindre il ne devait pas avoir de manquer des pains de proposition. Vous voyez, il y a des pains spéciaux qu'on devait faire mettre sur la table des propositions. Il va dire maintenant que le pain représente le Seigneur Jésus, parce que la Bible déclare dans Jean chapitre 6 que Jésus est le pain venu du ciel. Comme il va mettre Jésus sur la table, il va dire maintenant que c'est la parole. Et vous voyez, c'est lui qui donne la définition. Il prend son sabbat, il prend les choses, les éléments, il commence à mettre. Pourtant, ces choses-là étaient des choses pour indiquer le grand maître, notre maître, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Alors, donc, je t'ai dit donc que les groupes vont se fractionner au fur et à mesure. Et chaque personne, quand tu sors, tu ne prends pas du temps pour rester devant le Seigneur pour qu'il te nettoie. Tu vas entraîner avec toi les hérésies. Jésus, vous allez raconter l'histoire d'un prêtre qui m'avait fait, enfin, c'est pas un prêtre qui n'est pas allé jusqu'au bout. Il est allé au séminaire. Il a fait quelques années au séminaire. Il est sorti, il en est sorti parce qu'il a vu la fausseté qui était là-bas. Il m'a invité chez lui. Dans sa maison, il avait un petit hôtel comme ça, une petite table devant lui. Il avait mis les tissus blancs. Ici, il y avait la bougie. Et l'autre côté, il y avait la bougie. Au milieu, il y avait l'archange Michael avec le couteau avec Marie. Vous voyez? Et pour officier, il était obligé de se tourner aussi chaque fois comme ça pour faire comme ça. Le peu qu'on lui a appris au séminaire, il est venu. Dans sa maison, il a dit qu'il n'est plus avec l'église catholique parce que l'église catholique enseigne le faux. Mais qui a amené le rituel des maris et des saints dans l'église? L'église catholique. Donc, ça veut dire que le Satan s'en fout s'il ne continue pas en étant prêtre. Il a déjà injecté sa semence en lui. Maintenant, si celui-ci continue à former les gens, il va dire l'église catholique est fausse, l'église catholique est fausse, mais il a de répercuter les déchets et la fornication de l'église catholique comme ça sans s'en rendre compte. Qu'est-ce que celui-ci devrait faire? Il devrait sortir de l'église catholique, cherchant les gens que Dieu a établis pour recevoir les enseignements. Le simple bon sens vous dresse là. Or, maintenant, chacun veut se faire enseignant. C'est ça qui est le vrai danger. Chacun veut se faire enseignant. Pour une fois que quelqu'un a lu la Bible, une seule fois, d'autres collections des enseignements des uns et des autres partout. Il va chez lui, celui-ci prend un. Il passe chez les Adventistes, c'est un jour, il prend un. Il passe chez les témoins, il prend un. Il prend ceci. C'est un mélange interdimensionnel. C'est-à-dire que c'est un mélange enseignement interdimensionnel. Et quand la personne sort, vous verrez qu'il a pris un ici. C'est terrible, pas vrai? Mais la Bible nous dit qu'il ne faut pas qu'on ait beaucoup d'enseignants au milieu de nous. Mais c'est pêle-mêle aujourd'hui. Et sur YouTube, donc je donne raison à ma femme qui disait que le YouTube est comme marché central. Quand vous allez là-bas, vous trouvez n'importe quel type de marchandise que vous voulez. Donc, sur YouTube, vous trouvez n'importe quelle saleté. Mais au milieu de cela, il y a quand même quelque chose de pur aussi. Vous voyez? Donc, les groupes se disent là, quelqu'un sort du groupe. Au lieu d'accepter que Dieu le nettoie par les gens que lui il a établi, il se donne le droit de commencer à enseigner en croyant peut-être que s'il enseigne à 2 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes, 20 000, même s'il a 100 000 personnes, ce n'est pas le nombre de personnes que tu auras qui t'écoutent ou quoi que ce soit, qui fait des danses, que tu sois serviteur de Dieu. Et si Dieu ne t'a pas établi pour cette tâche, même si tu as 4 millions de personnes qui t'écoutent, pour autant tu n'es pas serviteur de Dieu. Je crois que c'est clair là-dessus. Voilà. Donc les gens croient peut-être que c'est parce qu'il y a la majorité ou bien les grandes personnes. Si c'était le cas, c'est l'église catholique et de Dieu. Combien de fidèles il y en a? Il y a une église pentecôtiste ou bien évangélique qui a plus de fidèles que l'église catholique. Eux ne font pas de bruit. Ils portent le blanc, ils vous donnent l'hostie. Ils restent sur place, ils sont pour évangéliser. Vous venez. Vous avez vu un jour aller construire l'église, commencer à marcher, maison pour dire qu'ils venaient à l'église. Ils s'installent là-bas, ils affectent un prêtre. Le prêtre reste au presbytère, je ne sais pas comment vous appelez ça, l'évêché. C'est vous qui quittez chez vous pour venir. C'est pas vous. On dit les élites, même les politologues et autres là-bas, les élites d'un village construisent l'église pour donner au prêtre. C'est pas ça. C'est ça. Ils nous ont déjà demandé. Parce qu'ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir spirituel du dragon. Donc ils n'ont pas besoin d'aller courir comme les autres là-bas, maison après maison pour le faire. Vous construisez, vous donnez le terrain pour d'autres construire avec leur agent. Vous venez vous asseoir dimanche pour qu'ils vous versent les souillures des démons. C'est terrible seulement. C'est scandaleux de le dire, mais c'est la vérité. Remarquez seulement les endroits où les catholiques sont situés, comment de vastes terres qu'ils ont. Ils font tout et tout pour avoir les titres fonciers. J'étais à Yaoundé, il y a un de mes amis qui me racontait une histoire qui m'a vraiment écœuré. Elle a une camarade, il a une camarade qui l'a contacté pour dire, s'il te plaît, aide-moi avec 20 000 francs. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que on a, dans ma famille, j'ai un oncle qui est décédé. Il faut acheter pour enterrer. Il faut, je crois que c'est 1 500 000 qu'il avait dit, ou c'est 3 millions. Il dit 3 millions de francs CFA pour acheter la tombe, le lieu pour enterrer. Il dit oui, il comprend. Il dit c'est où? Il me dit c'est au cimetière de Mvolié. Vous savez Mvolié? La cathédrale de Mvolié, là où. Donc apparemment il y a un cimetière là-bas. Celui qui me racontait cela. Celui, mon ami, n'est pas chrétien. Il dit que si c'est pour comme ça, il ne donne pas cet argent-là. Toi, tu souffres dans la famille. Et c'est ce qu'il est en train de dire à cette fille-là. Il dit tu souffres dans la famille. Il faut que tu donnes ta contribution 20 000 francs en tant que quelqu'un qui ne travaille pas pour qu'on puisse trouver le truc pour acheter la tombe pour son père. Et maintenant, ironie du sort, c'est que son oncle qu'on va enterrer là-bas, c'est un autochtone de Mvolié qui a octroyé la terre gratuitement à l'église catholique. Vous savez? Donc, ils ont octroyé gratuitement la terre. Donc, les autochtones viennent, ils octroient la terre à l'église catholique. Mais pour les enterrer là-bas, vous payez. Et il m'a expliqué, il dit, mais je vous dis, c'est entre vos mains. Il a dit que la position au cimetière est fonction de ta richesse. Quand vous allez, et c'est là où vous passez en volée, vous voyez le style des tombeaux qui s'y trouvent, vous voyez que plus vous êtes à côté de la route, plus c'est cher. Vous êtes où là? Vous êtes au Cameroun là. Donc plus vous avez accès facile. C'est comme si là-bas il y a un service qui s'occupe particulièrement de cela. Quand vous payez, on arrange bien votre tombe, parce que quand on voit, on sait que non, c'est la tombe d'un grand ici. Vous savez, on dit, le Seigneur Jésus a dit qu'à l'extérieur, il paraît beau, mais à l'intérieur, ce sont les ossements de mort, n'est-ce pas? C'est exactement cela. Donc, vous donnez le terrain, pour qu'on vous donne la mort, et quand même dans la mort, et celui-là est même membre, qui a communié, comment vous appelez ça? Confirmé, baptisé, communié, avec l'extrême onction, et l'extrême, le dernier onction, c'est là-bas. Mais jusque-là, il faut que la famille paye pour qu'on l'enterre 10 millions sur le terrain que lui-même a donné initialement à l'église catholique. Étant membre qui versait toujours sa somme, c'est le dernier du culte et assistait au culte du matin. Voilà là où on en est avec cela. Alors donc, on arrête tout le monde à la famille pour que chacun contribue, pour que ça soit un endroit, c'est-à-dire qu'on contribue de l'argent. Cette fille-là ne travaille pas. Elle a dû faire des marches dans la famille pour qu'on lui donne l'argent, pour qu'elle fréquente. On n'a pas donné. Mais pour ces cas, il faut qu'on enterre parce que ça fait honneur à la famille d'enterrer dans ces cimetières. Parce que dans ces cimetières, si on enterre, on traverse facilement le purgatoire. Les prêtres font des messes spéciales pour vous, pour que vous quittez vite le purgatoire. Vous ne souffrez pas trop. Ouais, là on en est. Que Dieu nous vienne en aide. Alors, cela étant dit, je disais donc que si on sort dans chaque milieu, il va falloir qu'on soit nettoyé. Et nettoyer, ça veut dire qu'on comprend que les évangiles que nous avons reçus sont les évangiles destinés à renverser le règne de notre Seigneur Jésus-Christ sur notre cœur. Vous me suivez, n'est-ce pas? Parce que la Bible déclare que les chrétiens sont censés être édifiés suivant la fondation des apôtres, le fondement que les apôtres ont posé. Si ce n'est pas comme ça, tu ne seras pas édifié. Et si tu n'es pas édifié, tu es détruit. Vous comprenez? Donc, il y a particulièrement donc des agents discrets et indiscrets de diables qui sont sortis issus des sectes appelées des Way International, qui, sur les antennes des télévisions et des Internet, enseignent et axent leur enseignement particulièrement pour régner la divinité du Seigneur Jésus-Christ. C'est terrible. Vous pouvez donc me permettre de dire quelque chose maintenant. Soulevez votre Bible. Je vais vous dire quelque chose. Levez votre Bible, je vais vous dire quelque chose. Vous voyez ce document ici, n'est-ce pas? Sans ce document que vous appelez la Bible, Jésus-Christ, notre Seigneur, est Dieu. Déposé. Il dit bien, sans ce document-là, il est quand même Dieu. Même si tu vas à l'intérieur, tu essaies tant bien que mal de faire n'importe quoi, il est quand même Dieu. Nous allons travailler donc sur cette série. Dans l'un des enseignements que nous avons fait, je pense que c'est à Bafoussam, où j'ai intitulé sur YouTube, « Quel Jésus servez-vous ?» Dans cet enseignement particulièrement, nous démontrons pas au travers des Écritures que le Seigneur Jésus n'est pas ressuscité un dimanche. Donc, s'il n'est pas ressuscité un dimanche, ça pose un vrai problème de Jésus que les gens célèbrent le dimanche. Jésus n'est pas ressuscité dimanche. Et il n'est jamais mort un vendredi. C'est un vrai problème. Alors, c'est vrai dit que tous ceux qui disent que vendredi, c'est la passion. Ils sont les servis à un autre Jésus. Alors, 2 Corinthiens chapitre 11 nous dit que si vous pouvez recevoir un autre évangile, lisons cela avant de commencer là. 2 Corinthiens. On peut avancer là. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4 dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, vous avez vu, que celui que nous avons prêché. Donc, il est possible qu'on vienne prêcher un autre Jésus. Vous avez vu cela? Ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu. Vous avez vu? Donc, si on prêche un autre Jésus, vous allez recevoir un autre esprit. Et cet autre esprit est contenu dans un autre évangile. Ou, donc, verset 4 dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché. Donc, le Jésus que les apôtres ont prêché, ne doit pas être différent. On ne doit pas prêcher un autre Jésus en dehors de lui. Donc, c'est possible que les gens viennent se cacher sous un autre nom, des personnalités viennent se cacher en se faisant passer pour Jésus. Donc, il faudra identifier quel Jésus les apôtres ont prêché. Donc, on doit annoncer un Jésus au travers d'un évangile pour vous recevoir un esprit. On doit annoncer un Jésus au travers d'un évangile pour vous recevoir un esprit. Faux évangile égale faux Jésus en qui vous croyez, par conséquent, faux esprit dans lequel vous allez être scellé. Nous sommes d'accord. Et malheureusement, plusieurs sont ainsi. Malheureusement, plusieurs sont ainsi. Plusieurs ont écouté un faux évangile et par conséquent, ont cru à un faux Jésus et ont reçu un faux esprit. C'est pour ça que vous voyez donc que les gens tournent en rond, vous attaquez quelqu'un fait. Il dit que ma bouche ne contrôle pas ma bouche. Ah, je sens la chair des poules, mais la vie ne suit pas. Tu lis la parole là, la parole que le Seigneur a dit de sa propre bouche, la personne la nie cela. Tu te poses la question, vous fermez, si vous avez été fort, vous fermez. Tu te poses donc la question, est-ce que le Saint-Esprit qui est en quelqu'un, peut-il rejeter la même parole qu'il a prêché dans des apôtres? Vous voyez, quelqu'un dit que le Saint-Esprit, mais tu lui dis que baptise-toi, il dit non, non. Quand il a le Saint-Esprit, c'est suffisant, il n'a plus besoin de baptême d'eau. Vous vous posez la question, qu'est-ce qui ne va pas? Un faux évangile. Donc, Galates chapitre 1, verset 6, il dit pas qu'il y a un autre évangile. Il dit, mais il y a ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui veulent renverser l'évangile de Christ. Donc, le dessein de renverser l'évangile de Christ, c'est établi depuis la naissance de l'Église. Et cela, c'est un dessein qui est longtemps avant même que le Christ, notre Seigneur, ne vienne sur la terre. Parce que dès le départ, le but de Lucifer, c'est de renverser le trône et prendre le pouvoir. Donc, il prépare un coup d'état depuis dans son cœur. D'accord? D'où la nécessité de connaître véritablement quel Seigneur, quel Jésus nous avons au devant de nous. Donc, pour ce qui est de la résurrection du Seigneur, jusqu'à on n'a pas touché cet aspect-là. Il est ressuscité, n'en plaise aux musulmans, n'en plaise à toutes les branches des salafistes ou n'importe qui, il est ressuscité. N'en plaise à certains juifs qui ne croient pas en lui. C'est dans l'ordre des choses par rapport aux juifs, n'est-ce pas? Mais le Seigneur Jésus est ressuscité, effectivement. Comme il avait promis. Mais le vrai problème, maintenant, c'est que il n'est pas ressuscité un dimanche, ni mort un vendredi. Ça, c'est développé dans l'enseignement « Quel Jésus servez-vous ?» Nous allons axer notre orientation dans différents aspects maintenant de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai donc dit, sans la Bible, Jésus-Christ est Dieu. Donc, plusieurs personnes ont hérité donc des pères. Et ça commence depuis où vous retracez ça, vous trouvez cela depuis Arien, depuis Arius. Vous l'avez au concile de Nicée. Vous voyez, dans un côté, les gens de la Trinité sortent du concile de Nicée. Ils ont commencé à dire qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et à ce temps, Arius ou bien Ariane ou Ariu disaient aussi que non. Le Christ est une substance qui n'est, il n'est pas consubstantielle avec le Père. Ce n'est pas la même chose. Et les témoins de Jéhovah font ça aujourd'hui. Les Way, les Way International, donc plusieurs adeptes sont sur Internet en train d'enseigner que Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas non plus son propre Père, il ne peut pas être Père, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, vous dites, comment quelqu'un peut être son fils et son Père? Ce sont des questions. Donc, dans ce développement, il y a deux principales questions que nous allons résoudre. La première question, c'est, comme les gens se la posent, dans Matthieu chapitre 3, quand Jésus est sorti de l'eau, qui est-ce qui parlait au ciel? C'est une question qu'on va résoudre dans le développement de ces enseignements, c'est dans une des séries. La deuxième question se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 24 et suivants. Que la Bible déclare là-bas que lorsque lorsqu'il est question de que tout est mis, il est exempté, que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Vous voyez? Alors il dit que lorsqu'il aura fini de soumettre toutes choses, lui-même se soumettra à celui qui est Dieu et Père. On va résoudre c'est les deux questions principales que nous allons répondre au courant de cet enseignement sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Donc, mais d'entrée, Jésus-Christ est Dieu. Même sans la Bible, même si vous ne dites pas que, même sans la Bible, il est Dieu. Ok, maintenant, ceci étant, le décor étant planté, on va remarquer que dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a mis des pieds d'achoppement dans ses écritures. D'accord? Nous allons commencer maintenant. Vous permettez? À un moment donné, je vais arrêter, s'il le permet, je vais donner les versets. Et même si nous ne lisons pas dans la première partie de cet enseignement, nous allons voir dans les prochains chapitres. Donc, il y a des aspects que nous allons voir. En tant que roi d'Israël, en tant que le sauveur, en tant que le roi des rois, en tant que le seigneur des seigneurs, en tant que le lion, en tant que l'agneau, en tant que la parole de Dieu, en tant que le sacrifice ultime, en tant que le sacrificateur, en tant que l'intercesseur, en tant que le juge, en tant que l'avocat, en tant que le saint d'Israël. C'est terrible, c'est plein là. En tant que rédempteur, en tant que créateur, nous allons voir tous ces aspects-là de lui. Donc, comment quelqu'un peut déclarer que Jésus-Christ a tout de Dieu sans être Dieu? Il a 100% de Dieu en lui, mais jusque-là n'est pas Dieu. Parce qu'on veut fuir l'écriture. Amen. Amen. Vous permettez qu'on lise donc? Donc, soyez prêts avec le stylo, parce que si ça, il va commencer à vous donner des versets. Allons dans Luc chapitre 2. Commençons dans Luc chapitre 2. Que Dieu vous bénisse vraiment. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chapitre 2 de Luc, verset 25 et suivant. Suivez attentivement. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Le Christ du Seigneur. Le Christ. Le mot Christ qui est écrit ici en grec, c'est en hébreu, c'est Messie, le Machia. Le Machia. Et permettez-moi de dire, tout bon juif qui lit la Torah et le Tanakh, savent que le Messie qui vient est Dieu. Tout juif qui connaît la Torah, tout juif qui connaît la Torah, même les juifs sectaristes, des différents groupes sectaires qui étaient à Jérusalem et au-delà, jusqu'à maintenant, tout juif sait que le Messie qui vient, le Machia, qui arrive, ce sera Dieu. Il n'y a pas deux façons, parce que c'est ce que la Torah, les Tanakh révèlent. C'est la première chose qu'il faut saisir. Il dit bien, si les Juifs savent que le Messie qui est censé venir, ils rejettent Jésus parce qu'ils disent que Jésus n'est pas leur Messie. Vous suivez, n'est-ce pas? Ils ont rejeté Jésus parce que Jésus n'est pas le Messie, parce que c'est dans l'ordre des prophéties. Dans les prophéties d'Isaïe, ils sont censés d'abord être voilés pour qu'ils accomplissent l'œuvre de la rédemption d'abord. Mais quand il va venir, ils vont le recevoir. Ils savent que le Juif, quoi, le Messie est Dieu. Il a dit plusieurs fois qu'il va régner, que l'Éternel, je régnerai en Israël. N'est-ce pas? Et il est né roi. Pas qu'il est devenu roi. Il n'a pas hérité du royaume, un peu comme Salomon, comme David est roi, en quittant le royaume, il passe l'onction de la royauté à Salomon. Donc ça veut dire que notre Seigneur est né roi. Lorsqu'il est sorti du vent, il criait ah, ouah! On est venu dire que où est le roi des Juifs qui est né? C'est merveilleux, pas vrai? Le roi qui est né. Et le roi est né, je pose la question, où est-ce qu'il a régné sur Israël? A-t-il régné? Non. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ qui est né, sous Ponce Pilate, a-t-il régné? Non. Mais le jour de sa naissance, les mages sont venus pour dire que où est le roi des les Juifs qui est né? Il est né, grandi, on l'a crucifié, il est mort, il est ressuscité dans le chien sans avoir régné. Ça devrait pousser les gens à la réflexion. Voici ton roi, Israël, voici ton roi. C'est écrit dans Zacharie, chapitre 9, verset 9, que voici ton roi qui vient assis sur une ânesse. Il est assis sur une ânesse, le voici, il vient à toi, il est humble de cœur. Donc on dit ton roi. Il entre à Jérusalem, les gens mettent les choses au sein. Hosanna au fils de David. Au fils de David. Donc on vient de comprendre qu'il est le roi. Alors il entre à Jérusalem, il entre plutôt dans le temple, au lieu d'aller dans un endroit où il va régner. Il chicote déjà, après il sort, il part à Bethanie. Eh mes frères, vous me suivez? Amen. Alors je pose la question, où est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est entré à Jérusalem et régné? Et lorsque les rois de la terre l'interrogeaient, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais on dit roi d'Israël. Ça devait pousser les gens à réfléchir. Amen. Dans le livre de Michée, du prophète Michée, au chapitre 5, le verset 1, il dit, et toi, Bethléem Ephrata, de toi sortira pour moi un chef qui gouvernera. Qui gouvernera, régnera sur la maison de Jacob, sur le peuple, sur la maison de Jacob. On dit donc, l'origine remonte au jour de l'éternité. Au jour de l'éternité. Donc son origine, Christ a ses origines. Au jour de l'éternité. L'éternité commence quand? L'éternité commence quand? N'a pas de commencement. Quel est le début de l'éternité? On dit donc, dans ce livre de Michée, chapitre 5, on dit que c'est donc l'origine de Christ, qui est censé venir gouverner. On dit son origine remonte au jour de l'éternité. Au jour de l'éternité. Donc, il est, depuis l'éternité, il est. Lisons, mais gardez le doigt dans ce livre de Luc, chapitre 2. Allons dans le livre de Michée, que je viens de citer. Lisons cela. Merveilleux Seigneur Jésus, que ton nom soit élevé à toujours et à jamais. Michée, prophète Michée. On va y revenir tout au long des Écritures. Donc, dans tout ce, dans ces séries, je ne sais pas combien de séries ça va aller, ni dans quelle direction ça va aller. Dans ces séries-ci, nous allons toucher particulièrement les prophètes, d'accord? Particulièrement les prophètes, si vous saisissez cela, les prophètes. Mais il y a certaines bases qu'on doit devoir mettre. Il y a certaines bases qu'on doit devoir mettre. Michée. Si vous connaissez l'histoire de Jonas, c'est après Jonas. Si vous connaissez Nahum, c'est avant Nahum, à Nahum. Bon, si vous avez la notation standard, si vous avez les choses que les gens mettent avec la nomenclature juive et grecque, vous aurez des problèmes. Bon, Michée chapitre 5. Il va lire le verset 1, d'accord? Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre des milliers de Juda, de toi sortira pour moi. C'est lui qui dominera, gouvernera sur Israël. Et donc, les activités remontent au jour des temps anciens. Et donc, l'origine, celui qui va sortir a pour origine, son origine remonte au temps ancien. Au jour, donc la personne qui a de venir, voici son âge. Voilà son âge. Donc, dans cette première série, nous allons parler de Christ à ses origines. Merci, Père. Donc, dans cette série sur la divinité du Seigneur Jésus, nous allons parler de Christ à ses origines. Christ à ses origines. Maintenant, l'aspect physique du Seigneur Jésus-Christ est l'un des pierres d'achoppement qui puisse exister. Parce que les gens, comme les musulmans par exemple, pensent que Jésus ne peut pas, Dieu ne peut pas, parce que enfin, c'est le principe musulman. Dieu est hors de la création, il ne peut pas se garder dans la création. C'est pour ça que dans le Coran, il dit clairement qu'il n'a jamais été créé, il n'a jamais inventé, il n'a jamais été créé, il n'a jamais été engendré, il n'engendre pas. C'est totalement contraire au principe des dieux de l'écriture. Donc forcément, c'est les deux dieux différents. Vous voyez? Il dit que c'est-à-dire que Dieu dit seulement que soit, et la chose soit. Et ils disent que ce Dieu-là, leur Dieu-là est tout puissant. Si Dieu est tout puissant, souvenez-vous de ceci, si le Dieu que vous servez est tout puissant, il peut devenir une fleur en étant tout puissant. Le bon sens voudrait cela. Dieu peut devenir une fourmi en étant toujours tout puissant. Si vous dites non, il ne peut pas le faire, vous venez le limiter. Y a-t-il quelque chose qu'on puisse cacher à Dieu? Non. Alors, s'il n'y a rien qu'on ne peut pas cacher à Dieu, ça veut dire qu'il sait absolument tout. Et la chose de la fin, là où il est comme ça, là, il connaît exactement parmi nous qui va aller où. Il connaît ce que tu vas faire en quittant ici, même alors que toi-même tu ne connais pas. Nous sommes d'accord. Amen. Alors, c'est donc dit qu'il connaît toute chose, la fin du chose avant son commencement. Ok, maintenant, il est tout puissant, omniscient. On ne peut pas le saisir, n'est-ce pas? Restons sur l'aspect, sur l'attribut tout puissant. Quand on dit que tout puissant, ça veut dire quoi? Dieu peut-il devenir un arbre? Oui. En étant Dieu toujours? Oui. Dans ce cas, justement, c'est le vrai Dieu. Alors, le fait qu'on ait pensé que Dieu ne puisse pas venir dans la créature, vous pensez que c'est Dieu qui était enfant là et qui jouait dans la boue, qui têtait le sein de Marie? Oui, c'est lui qui têtait le sein de Marie en contrôlant tout l'univers. Il avait faim, il avait sommeil, fatigué, étant couché dans la barque. On a dit, maître, nous périssons, c'était lui. Oui. Que Dieu a pleuré, oui, ça peut vous déchirer le vêtement, déchirer le gandoura, enlever la barbe, que scandale, mais c'est quand même vrai. Souvenez-vous, sans la Bible, Jésus-Christ est quand même Dieu. Il faut que ce soit bien marqué. Donc maintenant, vous arrivez dans la Bible, c'est pour ça qu'il va falloir qu'on fasse de façon méticuleuse pour voir ces choses-ci. Vous allez dans la Bible, dans Jean, dans Luc, Matthieu chapitre 1, Luc chapitre 3, vous voyez effectivement, dans Luc chapitre 3 particulièrement, il est dit de lui que Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait. Fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Jacob, on commence à remonter, après on dit fils d'Abraham, fils de Cécy, fils de Terah, on dit fils d'Adam. Donc si on recommence, Adam engendra Seth, Seth engendra Mathusala engendra, après on passe par Abraham, on passe par Noé, on revient, on part à Jacob, on part par Élie. Élie qui est le père de Joseph, Joseph de laquelle est à Marie qui est née Jésus. Ça, c'est la généalogie physique par laquelle il a traversé au courant des siècles. Souvenez-vous, par lequel il a traversé au courant des siècles. Ça, c'est la généalogie physique par lequel il a traversé. Notez Hébreux chapitre 7. Par lequel il a traversé au courant des siècles. Vous avez noté là? Voilà, maintenant, regardez. Les choses, il va falloir qu'on fasse des stops chaque fois pour lire la Bible. On fait des stops chaque fois, mais s'il y a besoin de se faire, je vais citer parce que quand il donne, ça se trouve là. Maintenant, il dit, si vous lisez Matthieu chapitre 1, on dit généalogie de Jésus-Christ. De quel Jésus on entend parler? Dans ce livre de Matthieu chapitre 2, Hérode, les mages, je vais construire doucement. Hérode sera surpris par les mages qui vont venir d'Orient pour lui dire que où est le roi des Juifs, qui est né, le Messie, le roi des Juifs. Il dit que la Bible dit que quand ils vont partir, on dit tout Jérusalem fut bouleversé. Pas vrai? Ils vont demander aux scribes, lisons cela, oh mon Dieu. Donc, regardez, vous voyez, je vous ai dit que priez pour moi vraiment, priez pour moi. Tout à l'heure, nous avons gardé Luc chapitre 2, n'est-ce pas? Gardez également le doigt là, c'est le livre de Michée. Allons dans le livre de Matthieu là rapidement. Matthieu se touche quelque part devant la tête en clavier. Vous y êtes? Regardez, chapitre 2. Je vais lire vraiment rapidement là. Je vais lire vraiment rapidement. À partir du verset 1. C'est une longue série sur la divinité du Seigneur Jésus. Jésus étant né à Bethléem, c'est la première partie ici. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. et dire « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» On venait informer les Juifs que leur roi est né. Pourtant, les prophéties étaient entre leurs mains. C'est que nous sommes... Michel, nous sommes nés là. Ils avaient ça dans la synagogue. Ça ne se trouvait pas à nourrir. C'est chez eux que ça se retrouvait. Donc, ils naissent. Ah, oh, mon Dieu, quelle époque nous sommes en train de vivre. Ils ont la Bible avec eux. Dans leur Bible, c'est écrit que le Messie est censé naître à Jérusalem, comme à Ephrata, à Bethléem, comme on a lu dans Michel là. Et ils sont à l'intérieur. Il est né quelque part là. Ils ne savent pas qu'ils étaient à l'intérieur. Jusqu'à ce que les gens sortent de l'extérieur pour venir dire que, mais où est votre roi? C'est eux maintenant qui sont surpris. Je vais toucher cet aspect pour parler quelque chose par rapport à l'Église. Et verset 2, il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Proskeneo. Pour l'adorer. La version de la Bible peut mettre rendre hommage, honorer, ainsi de suite. Mais dans Jean chapitre 5, il est écrit, afin que tous honorent le Père comme ils honorent le Fils. Bon, on va y arriver. Il est question d'adorer un enfant qui est né. Adorer un enfant qui est... Et l'adoration doit s'adresser normalement qu'à qui? À Dieu. Donc les satanistes savent que Jésus est Dieu. Les satanistes savent que Jésus est Dieu. Continuons la lecture ici de toute façon. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et tout le Jérusalem avec lui. Donc ça a bouleversé. Donc la naissance du Seigneur Jésus-Christ a eu un impact sur la période de sa naissance. Parce que tout le monde était au courant. Comme on va lire dans Luc chapitre 2, là, on dit qu'il y avait Anne, la prophétesse Anne et Simon. Anne particulièrement parlait à chaque personne qui rencontrait, parlait de la naissance du Seigneur. Pas vrai? Mm-hmm. Maintenant, regardez. Verset 4. Il assembla, la Bible est claire, tous. Vous avez vu cela? Je dis bien, la Bible est claire ici, qu'il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Donc, il a pris. Dans notre époque, on va dire qu'il a rassemblé tous les grands archibishops, les fondateurs des ministères, pour les rassembler. Que dites-nous, l'écriture dit qu'il doit naître où? Voilà la question qu'il a posée. Où devait naître le Christ? Je veux que vous compreniez une histoire. Il s'appelle le Christ. Le mot Christ ici veut dire le Messie, Machia. D'accord? Voilà. Ou bien loin. D'accord? Maintenant, regardez ici. Il lui dit à Bethléem en Judée. Donc ceux-là connaissaient les écritures. Ils étaient devant. On leur a posé des questions, ils ont répondu. Donc ils lisaient les écritures. Ça veut dire que je vous ai toujours dit ici, connaître qu'il y aura un enlèvement, ne fais pas que tu seras enlevé. Prêcher sur l'enlèvement, ne fais pas que tu seras enlevé. Dis les bonnes choses de Jésus, ne veux pas dire qu'il te connaît en tant que son fils. Il faut qu'on soit ça clair. Voilà les principaux sacrificateurs qui disent exactement le lieu où ils devaient naître. Mais c'est eux qui vont persécuter. Et on dit tous les. Il n'y a pas un principal sacrificateur qu'on a laissé. On dit tous étaient réunis avec les scribes du peuple. Après, il cite la Bible. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Donc les Juifs croient au prophète. Il cite comme ça le prophète Michée que nous avons lu là-bas. Écoutez bien. Verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Ils ont cité la première partie. De cela, de Michel que nous avons lu au chapitre 5, là, n'est-ce pas? Maintenant, alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Vous voyez comment l'être humain fait tout pour éteindre le Seigneur Jésus? Non? Il croit peut-être que, comme on a dit là, on va faire le plan maintenant pour le tuer. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez. Trouver, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, il partit et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux. Ah, j'aime ça. Jusqu'à ce que, c'est qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une très grande joie. Permettez-moi de dire quelque chose. Les satanistes sont au courant de ce qui se prépare dans les cieux. Les êtres humains sur la terre qui croient servir Dieu n'en savent rien. Et Satan révèle à ses agents ce qui se prépare. Pour qu'ils se préparent en conséquence. Parce que nos deux royaumes sont en guerre. Regardez, voici les mages d'Orient. Les gens qui lisaient la Bible, ils avaient les rouleaux de l'écriture. Ils lisaient chaque fois, quand ils venaient chaque fois au jour du sabbat, on ouvre comme ça, on lit. Et toi, Bethléem de Juda, terre de Judée. Le voilà qui est né là-bas avant-hier. Hein? Et toi, Bethléem de Juda, terre de Judée. Tu n'es pas celle de la moindre de Juda. tu seras, de toi sortira un chef qui paiera pour moi Israël. Dans le jour de mon retour. Il dit ça, non? Le voilà au milieu d'eux. C'est des satanistes qui ont venu les informer que ça s'est accompli. Ce sont des satanistes qui sont venus leur informer que leur Bible est accomplie. Voilà ce qu'il en est. Qu'est-ce qui est de notre époque venant de l'époque de l'Église? On prêche sur des choses, on dit des choses. Les satanistes sont en train de faire certaines choses pour indiquer que le temps est proche. Et le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 25 qu'il y aura des signes dans le ciel. Comment vous faites pour voir les signes dans le ciel? C'est eux qui scrutent les étoiles, pas vrai? Vous qui vous avez déjà scruté les étoiles, il y aura des signes dans le ciel. Ok, laissons cela et continuons. Donc je t'en ai dit donc que voici les juifs connaissaient que la prophétie parlait du Messie. Gardez bien le fil de là où on en est allé. C'est écrit dans Michée. Et ils ont confirmé ici que ce livre-ci, de Michée, est confirmé par les études. Donc, ça veut dire que ça vient de Dieu. Et par conséquent, on parlait là du Messie. N'est-ce pas? Ok. Donc, d'après ce que nous avons lu ici, l'interprétation des pharisiens montre que Michée parlait du Christ. On est d'accord? Mais le vrai problème maintenant, c'est ici. Dans ce Matthieu chapitre 1, on commence au verset 1 du chapitre 1 en disant « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » Comment quelqu'un dont les origines remontent au jour de l'éternité est fils de quelqu'un qui est né plus tard? Je veux que vous m'expliquiez. C'est-à-dire, la personne qu'on appelle qu'on appelle David ici dans ce verset. Il dit dans Matthieu chapitre 1, verset 1 là. On dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, virgule, fils d'Abraham. Donc, David a pour père Abraham. Jésus a pour père David. Donc, David a pour père. Le Seigneur Jésus-Christ a pour père David et David a pour père Abraham. Mais, on dit dans Michée que les origines remonte au jour de l'éternité. David était là à l'éternité. David l'a accouché. Alors comment quelqu'un qui était avant s'est retrouvé être l'enfant de quelqu'un qui vient après? Vous voyez qu'il y a un problème? Voici Abraham ici. Donc, si on regarde dans cet ordre-là, sur le plan humain, alors Jésus serait petit-fils d'Abraham. On est d'accord? Parce que Jésus est le fils de David et David est le fils d'Abraham. Donc, Jésus est le petit-fils d'Abraham, dans selon ce verset. N'est-ce pas? Mais le vrai problème, c'est que la prophétie nous dit que Jésus-Christ, ses jours remontent au jour de l'éternité, ses origines. Donc, depuis, avant que depuis n'arrive, avant que le mot depuis n'arrive, avant que depuis ne soit depuis, il était là depuis. N'est-ce pas, frère? Abraham n'est qu'un Abraham, donc qui est venu plus tard. N'est-ce pas? La question, c'est comment il est fils de ceux-là? Vous voyez, ça commence à poser un problème. Donc, si on lit Matthieu chapitre 1, il y a un problème. Et le problème s'élève, le problème se règle lorsqu'on comprend que c'est cette personne qui a vécu longtemps, qui est venue dans une chair humaine en passant dans cette lignée. C'est cette lignée qu'on a entendu parler plus dans l'engendrement. Ça règle le problème. Alors, voici quelqu'un qui n'a pas de généalogie normalement, qui se trouve à avoir généalogie ici. Pourquoi? Parce que sur le plan humain, il faut avoir des généalogies. Tu dois sortir de quelqu'un. Là-bas dans l'éternité, il n'a pas besoin de sortir de quelqu'un parce qu'on ne peut pas l'engendrer. Il est l'éternel. Hébreux chapitre 7. Il vous a donné ça tout à l'heure, n'est-ce pas? Avant qu'on rentre dans Luc, il y a Michée qu'on n'a pas fini. Donc, aux origines, de Christ a ses origines. Première partie, la divinité du Seigneur Jésus. Lorsqu'on va toucher son aspect des sacrificateurs, des sacrifices, on va revenir dans ce livre d'Hébreux. Parce que c'est clairement montré là-bas ce qu'il en est. Vous voyez comment, prenez seulement Jean chapitre 10, vous allez voir la complexité de la personne du Seigneur Jésus. Il dit bien, quand vous prenez Jean chapitre 10, vous commencez à voir la complexité du Seigneur Jésus. Quelqu'un se tient là, il dit « Je suis la porte des brebis ». Quand il sort, il dit que le bon berger, je suis le bon berger. Donc, il est le bon berger. Il est la porte. Il est le chemin. Comment quelqu'un peut être les trois là? Comment? Il est le portier. Les brebis entendent sa voix, ils entendent la voix du bon berger. Et quand ils marchent devant, maintenant, les brebis sont de les suivre. C'est pas ça? En tout cas, il était la porte. Il est le bon berger qui les conduit dans le vrai pâturage. Il est le chemin sur lequel les bergers marchent. Comment un être humain normal peut être les trois? C'est en prenant seulement les trois là. Comment un être humain, simple être humain, même fût-il prophète, peut-il dire je suis la vie? Comment un être humain peut-il dire cela? Un être humain simple né d'une femme peut-il dire je suis la vie? Un être humain a besoin de la vie. Et si on a besoin de la vie, on doit avoir besoin de la vie venant des dieux. Mais lui, il dit que c'est lui qui est la vie. Il dit qu'il est la résurrection, pas qu'il possède la résurrection. Je suis la résurrection. Il n'a pas dit qu'il possède la lumière, il dit qu'il est la lumière, c'est lui. C'est terrible. Ses déclarations prouvent qui il est. Ses actes lui montrent qui il est. Ce qu'on dit de lui montre qui il n'est pas. Amen. Hébreux chapitre 7, verset 1 et suivant. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Shalem, c'est-à-dire roi de paix. Verset 3. Qui est 1. Sans paix. 2. Sans main. 3. Sans généalogie. 4. Ni commencement du jour. 5. Ni fin de vie. Stoppons d'abord là-bas. Comment un être humain normal peut être comme ça? C'est un être humain ici. On dit que ces rois-là, celui-là, le dernier volet dit, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu? Qui est rendu semblable au Fils de Dieu? Je vais utiliser le langage de mon père maintenant. Qui est rendu semblable au Fils de Dieu? Qui était une représentation du Fils de Dieu? Qui était un type du Fils de Dieu? Pas que rendu semblable, pas. Je ne sais pas comment vous pouvez saisir. Vous pouvez saisir ce que je veux dire, n'est-ce pas? C'est pas que, comme j'ai fait ici, j'ai fait ici. Non. C'était une représentation, un des attributs, une des manifestations de celui qu'on appelle Fils de Dieu. Quand vous le regardez, le Melchisédek s'est présenté devant Abraham pour qu'on puisse écrire ça, pour essayer de saisir les différentes voies du Seigneur. Je ne sais pas si vous me saisissez. Ce Melchisédek, donc on sait ici, Genèse chapitre 14, lorsque Abraham rentrait à la défaite des rois qui avaient saisi son neveu Lot. Et on dit qu'il y a un personnage qui allait au devant de lui, on l'appelle Melchisédek. Et subitement, on s'arrête sur son nom, on commence à décortiquer quel est son nom. On dit qu'il est roi de justice, roi de paix, roi de Salem. C'est-à-dire roi de paix. Et c'est ce que notre Seigneur est. Vous avez fait mourir le prince des vies. C'est le prince de paix. Et la paix de Christ qui surpasse tout comme c'est lui, dont il est question. Les attributs de Melchisédek. C'est là. Et on dit clairement que le sacerdoce que nous sommes les sacerdotes de Melchisédek. Et puis, ici, on va dire, considérer combien est grand le personnage à qui le patriarche Abraham donna la dîme de tout. Mais là, qu'est-ce qu'on dit de lui ici? On dit qu'il est sans père. 2. Sans mère. 3. Sans généalogie. On dit qu'il est rendu semblable au Fils de Dieu. Remarquez, on n'a pas dit qu'il est rendu semblable à Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 1, verset 1, on dit que généalogie de Jésus-Christ, Fils de David, fils d'Abraham. C'est ça qui est écrit. Ici, on dit que celui-ci, Melchisédek, n'a pas de père, n'a pas de mère, n'a pas de généalogie. Ça ne s'arrête pas là. Il n'a pas de généalogie. Il n'a pas de commencement de jour, ni fin de vie. C'est merveilleux, pas vrai? Il n'a pas de commencement de jour, ni fin de vie. On dit qu'il est rendu semblable. Donc, c'était un type de fils de Dieu. Donc, le fils de Dieu, dont le Fils de Dieu n'a pas de commencement de jour, n'est-ce pas? N'a pas de fin, n'est-ce pas? N'a pas de mère, n'est-ce pas? N'a pas de père, n'est-ce pas? Ça pose un problème. Si le Fils de Dieu n'a pas de père, ni de mère, pas de commencement, ni de fin, alors que les fils ont un commencement, il y a un problème sur la terminologie Fils de Dieu. Si on dit fils de Dieu et que ça s'entend comme fils d'un être humain comme nous, ça suppose donc que comme je suis ici et que j'ai mon enfant, mon petit garçon dont vous connaissez, il y a eu un moment où il n'était pas là. Donc, le jour où on met son acte de naissance et son commencement, il est sorti ce jour-là. Pas vrai? Mais le Fils de Dieu n'a pas de père, n'a pas de mère, n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Laissons la fin, parce que la fin nous intéresse, c'est le commencement. Prenons le commencement. S'il est Fils de Dieu et qu'on entend Fils de Dieu comme étant l'engendrement entre l'être humain, une femme et un homme, il y a un problème. Parce qu'ici, on dit qu'il n'a pas de commencement. Alors, que veut-il donc la terminologie Fils de Dieu? Il y a un problème. Donc, il faut revoir donc, la terminologie. Notez cela, il faut revoir la terminologie Fils de Dieu. Dans ce sens, donc, la terminologie Fils de Dieu ne doit pas être comprise à la manière humaine, ni comme l'attribution Père-Fils dans la filiation humaine. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Et nous rendons grâce pour toutes ses bontés pour nous. Lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, c'est son esprit qui les met en fuite. Puis son esprit chasse cette fausse, ce faux enseignement dans le cœur de ses enfants au nom de Jésus-Christ. Donc, je ne sais pas si je sens de l'aide vraiment doucement. Vous voyez, je me sens vraiment bien dedans, mais pourtant, ça ne va pas vite comme souvent, pas vrai? Il dit, Hébreux chapitre 7, verset 3 dit, il n'a ni père, ni mère, ni généalogie. N'a pas de commencement des jours, ni fin de vie. C'est le type de Christ. C'est le type du Fils de Dieu. C'est ce qu'il dit dans ce verset 3. N'est-ce pas? Alors maintenant, Jésus, notre Seigneur, a eu un commencement sur le plan humain. Et c'est lui qu'on appelle Fils de Dieu dans la Bible. Donc ici, on dit le Fils de Dieu n'a pas de commencement, n'a pas de mère. Donc ça veut dire que Marie n'a pas accouché le Fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse vraiment sur ces essais. Marie n'a pas accouché le Fils de Dieu. Il n'est pas la mère du Fils de Dieu. Ça va là? Ça va? Vous me saisissez? J'ai bien dit, Marie n'a jamais accouché. Ce n'est pas la mère du Fils de Dieu. C'est la mère de Jésus. Vous voyez le problème? Obama, le président, vous appelez des États-Unis actuels. Sa maman n'a pas accouché le président. Vous savez ça, hein? Il a accouché. Il voit que ça doit être clair. Ça doit être clair, n'est-ce pas? Sa maman, quand il a accouché, c'était qui? Obama. Il est devenu quoi? Président. Ok. Donc, sur le plan humain, c'est un peu ça, si vous pouvez saisir. La maman n'a pas accouché président Obama, jamais. Il a accouché Obama. Maintenant, Obama a eu à un moment donné, avant de devenir président, le Fils de Dieu, on dit qu'il n'a pas de généalogie. Donc, avant de naître, il est Fils de Dieu. Avant de venir sur la terre, il est déjà Fils de Dieu. Il est Fils de Dieu avant de venir sur la terre. Je ne sais pas si vous me saisissez. Avant de venir sur la terre, il est roi. On avance. Amen. Il dit, Marie n'a pas accouché le Fils de Dieu, mais a accouché Jésus. Il veut donc aller dans deux ou trois versets pour vous montrer quelque chose donc concernant cela. Pour que vous, quand vous lisez la Bible désormais, faites attention à ces petites choses. Enfin, faites attention à n'importe quel détail de la Bible. Ouvrez 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Frère bien-aimé, je me sens vraiment bien maintenant. Rentrez tout juste, rentrez seulement un peu là. 1 Timothée chapitre 2. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas touché le verset qui parle de l'habillement de la femme ici. Ce n'est pas ça notre question. On va toucher, c'est la divinité du Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Parce qu'on ne pensait pas qu'on va dire que les femmes n'enseignent pas. Le sexe là, ça se trouve, mais ce n'est pas ça dont il est question. Et vous savez, quand on ouvre, quand on dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, les femmes disent que, oh, on va encore dire que les femmes se restent en silence. Donc, c'est pas ça. On peut quand même aller dans 1 Corinthiens 14, trouver quelques versets. C'est pas vrai? Ce n'est pas seulement 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33 et à 37 qui se trouve dans 1 Corinthiens 14. Encore moins. Les versets 9 à 12 dans le livre de 1 Timothée chapitre 2. Commençons par le premier verset. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, virgule, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Soulignez déjà Dieu notre Sauveur. Je veux que vous souligniez cela parce qu'on va y revenir. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on est venu sur les attributs, les différents attributs Sauveur et autres, n'est-ce pas? Quand on va venir sur les attributs du Sauveur, on va y toucher. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Verset 5, c'est là où on va arriver. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, fils de Dieu. Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus-Christ, fils de Dieu. Le verset pose un problème encore. Ou bien, Dieu a décidé d'insulter les êtres humains dans ce verset. Il dit bien, le verset pose un problème. Ça, vous allez dans les maisons des pasteurs, chez les chrétiens, on dit il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. D'autres écrivent Jésus-Christ. Il ne se rend pas compte qu'on a écrit homme. Soulignez homme, et on va en parler. Le verset pose un problème, mes chers frères. Ce verset a besoin d'explication. Il dit Jésus-Christ. Subitement, le Saint-Esprit met homme devant. Il n'y a qu'un seul Dieu aussi, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Il ne s'arrête pas. Il ne dit pas fils de Dieu, mais il met homme. Le verset vient de nous dire qu'en Jésus-Christ, il y a plusieurs aspects. L'aspect humain et l'aspect non humain. C'est ce que le verset vient de dire. Le verset là vient de nous dire qu'en Jésus-Christ, il y a deux aspects. Un aspect spirituel qu'on va expliquer et un aspect humain. Donc c'est Jésus-Christ homme qui est l'intercesseur, qui est le médiateur. Jésus-Christ homme qui a joué le rôle de médiateur. C'est Jésus-Christ homme qui a joué le rôle de médiateur. Voilà. Arrêtons-nous et expliquons doucement. Si on dit Jésus-Christ homme et que tout le monde sait que c'est un être humain, on est en train de nous insulter. Parce que je ne peux pas dire que le frère Achille est un frère. Que le frère Achille est un garçon. Parce que quand il dit le frère Achille, ça signifie que c'est un garçon. S'il appelle déjà Pierre, tu sais que c'est le nom d'un garçon. C'est le nom d'un garçon là-bas. Vous voyez, s'il appelle le pasteur, bon, c'est vrai qu'on a transformé le titre dans la pasteuse, la pastrice ou n'importe quoi. Si, quand on dit Jean, sans vous en demander, on peut vous demander c'est quel sexe est Jean. Vous savez que Jean c'était un garçon. Lorsqu'on dit il n'y a qu'un seul Dieu aussi, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, on dit Jésus, donc Yeshua, Mashiach. Puis on dit homme, dans son aspect humain, dans son humanité. C'est lui donc qui est le médiateur. Donc on veut par là dire qu'il y a un autre aspect en lui. Vous suivez? J'espère que vous dites Amen et vous saisissez ce que ça veut dire. Vous saisissez l'ampleur. Donc en Jésus-Christ, il y a l'humanité, il y a la divinité. Donc en Jésus-Christ, notre Seigneur, il y a la divinité et l'humanité. Donc c'est Jésus-Christ humain qui a fait preuve d'intercession. C'est lui qui va pleurer, on va toucher tout cela. Ceci, ça donne des vertiges là. On avance. Dans 2 Corinthiens, donc, chapitre 19. Dans 2 Corinthiens, chapitre 19, on va revenir dans ce 2 Corinthiens. Non. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19 en descendant. Donc, pratiquement le verset 19 et 20. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19 à 20. La Bible déclare, Dieu était en Christ. Dieu était en Christ. Elohim était dans le Messie. Elohim était dans le Messie. Le Messie qui était sur la terre là. Elohim habitait en lui. Dieu était en Christ. Elohim habitait tabernacle. Faisait sa résidence en lui. Pour réconcilier. Dans cet acte de réconciliation. Donc il y a deux. Il y a Dieu qui est esprit en lui, dans ce champ, dans cette enveloppe humaine. On appelle ça, la Bible utilise le langage, le voile de la chair, dans ce livre d'Hébreux. Vous êtes là. Dans ce 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19, Dieu, car, ça commence par car, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Christ. C'est ce qui est écrit? Non. Avec lui-même. Lui qui? Lui est mis pour qui? Dieu. Donc Dieu qui était dans cette enveloppe-là, vous voulez la faisait comme ça la réconciliation avec lui-même. Parce qu'en réalité, c'est lui qui a causé le problème dès la Genèse. Donc c'est lui qui devait résoudre le problème. En imputant point aux hommes leur péché. Donc, il ne voulait pas que le péché reste du côté des hommes. Il a voulu porter ça lui-même. Et il dit, et il a mis en nous les paroles de la réconciliation. Comme si Dieu exhortait les hommes par nous. Soyez réconciliés à Dieu. Vous voyez que l'acte de réconciliation se passe entre les êtres humains. Quand l'ange est descendu dans la maison de Philippe, de comment il s'appelle? Dans Actes chapitre 10, dans la maison de Corneille, l'ange sort depuis le trône. Il descend vers Corneille. Il ne dit pas Corneille, repens-toi. Accepte Jésus-Christ. Je dis quand les Juifs enseignent là. Il faut l'accepter, l'exception de la preuve enseigne. Il dit non. C'est entre vous les humains. L'enjeu du salut, c'est entre vous les humains. Envoie appelé à Joppé, Simon, surnommé Pierre. Il est chez un courroyé. Le temps qu'il bavarde tout ça, il ne peut pas dire les paroles là. Il dit le temps que l'ange donne toute la commission là. Il ne peut pas lui dire les paroles par lesquelles il va être sauvé. Parce que ça ne concerne pas les anges. Le problème du salut, c'est entre Dieu et les hommes. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Avec lui-même, le monde, la création a eu des problèmes avec Dieu. Dieu a voulu donc qu'on arrange le problème. Il est entré dans un corps appelé Jésus. Il venait faire donc la réconciliation. Il y a de quoi sauter les cheveux là-dedans. Car Dieu était en Christ. Dieu, Elohim, habitait dans le Messie. Dieu était en Christ. Elohim était dans le Messie. Christ, le Messie, Machia, Dieu, Elohim. Dieu habitait en Christ. Dieu était en. On n'a pas dit Dieu était avec Christ. D'accord, frère? Amen. On n'a pas dit Dieu était avec lui. Il était en lui. Un de ces jours, quand il parlait de paix à gauche, paix à droite, paix par-ci, paix par-là, ça n'a pas donné fort avec Philippe. Il lui a posé la question que Seigneur, s'il te plaît. Vous savez, quand Abraham parle, que, pardon, ne te fâche pas. S'il te pose cette question, s'il ne te fâche pas, hein, tu sais que nous sommes faibles, charnels, non? Tu sais que nous sommes faits de chair. Il dit comme ça à Dieu que tu sais que. Dis-nous vrai. Dis-nous seulement. Pas deux questions. Il n'en poserait pas plus. Dis-nous qui, où est le Père. Et cela nous suffit. Souvenez-vous, chaque question posée au Seigneur Jésus-Christ, il les répond toujours et toujours. Philippe n'a pas posé deux questions. Il a posé une seule question. Dans ce livre de Jean, chapitre 4. Seigneur, montre-nous. Parce que ta question, montre. Donc, tu dois l'indiquer. Tu vas dire qui est le Père. Montre. Donc, désigne-nous qui est le Père. Cette question encore de Philippe pose un problème. Parce que plusieurs fois, plusieurs mois ou bien des années plus tard, plus tôt, il leur a appris comment prier. Seigneur, maître, les disciples de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a enseigné à ses disciples, Jean a enseigné à ses disciples comment prier. Donc aussi, enseigne-nous à prier. Lorsque vous priez, dites que ton nom soit sanctifié. Vous pensez que les disciples ont appris ce que Jésus disait? Il vient encore ici, ok, maintenant, vrai, ta prière là. Notre Père qui est au ciel, dans la prière, dans Jean chapitre, Matthieu chapitre 6, dont il est question, le Seigneur dit que notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Je crois que dans un autre enseignement, je vais passer du temps là-bas, 3 ou 4 enseignements pour parler du nom de Dieu qui doit être sanctifié. C'est quoi sanctifier le nom de Dieu? Il faut qu'on explique cela. Que ton nom soit sanctifié. J'ai fait connaître ton nom au peuple, à ceux que tu m'as donné du milieu du monde. J'ai fait connaître ton nom. Vous avez lu votre Bible, vous avez vu un enseignement jusqu'à dire que le nom du Père, c'est telle personne. Non. Vous avez un verset. Non. Il dit que j'ai fait connaître ton nom à ceux du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés. J'ai fait connaître ton nom, je leur ai donné ton nom, ils ont reçu. Donc Jésus a parlé du nom du Père. Ils ont reçu. Donc ils ont accepté. Ils ont cru. J'ai fait connaître ton nom. Où il y a un enseignement aussi. Jésus a dit que le nom du Père, c'est telle personne. Donc il faut comprendre ce que Jésus est en train de dire. Maintenant, revenons sur la question de Philippe. Philippe dit au Seigneur Jésus, Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Cela nous suffit, ça veut dire qu'on ne te dérangera plus. Parce que non seulement Père a dérangé les Juifs, ça allait déranger eux aussi. Maintenant, Philippe a eu des problèmes sur son cœur par rapport à qui est devant lui et qui est le Père. Il a posé sa question. Jésus lui a donné la réponse. Et la réponse est claire dans la Bible. Aujourd'hui, les gens veulent questionner les questions de Philippe et répondre les réponses du Seigneur et faire que Philippe entend autre réponse autre que ce que le Seigneur lui a donné. Et nous faire comprendre que ce n'est pas ce que le Seigneur voulait dire. Quelle est la réponse de notre Seigneur? Philippe, dans notre langage, je lui dis, Philippe, j'ai Wanda même sur toi. Ça, c'est le langage qu'il a pleuré aujourd'hui. Comme un frère Philippe, toi-même, tu m'étonnes. Depuis, je marche au milieu de toi. Tu me cherches où? Dans notre langage aujourd'hui, c'est ça qu'il dirait. Depuis que je suis. Il a demandé à voir le Fils. Non. Il a demandé à voir le Messie. Non. Il a demandé à voir le Sauveur. Non. Il a demandé à voir qui? Le Père. Qu'on lui montre qui? Le Père. Le Seigneur a dit quoi? Que le Père est au ciel. Non. Il a dit, ne te souviens-tu pas la prière sacerdotale, la prière de notre Père? Non. Hein? Non. Te souviens-tu de la voix qui a parlé en haut quand je me baptisais? Non. Il a dit que depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Il cherchait qui? Le Père. Il a dit que tu ne m'as pas connu. Il n'a pas dit tu ne l'as pas connu. C'est ça qui est écrit, frère. Amen. Allons dans Jean chapitre 14. Avant de venir dans Matthieu, dans Acte chapitre 9. Dans Timothée 2, là, merci. Je vous ai dit, c'est grave, c'est dans la Bible. C'est parce que toute la Bible, je vous ai dit que sans la Bible, il est dit. C'est pour ça que n'importe quel verset va seulement l'entraîner comme étant Dieu. Maintenant, le verset 1, on va y revenir dans une des séries. Que votre cœur ne se trouve pas, croyez en Dieu, croyez en moi. On va revenir sur ce, croyez en Dieu, croyez en moi. On va venir dans Révélation, chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. On va juxtaposer tout cela. D'accord? Donc on va revenir sur Jean chapitre 14, verset 1. Croyez en Dieu et croyez en moi. Oui, voici Jésus-Christ a dit que croyez en Dieu, croyez en moi. Mais pour croire en Dieu, on commence par Jésus. Je vous le dis. On ne peut pas croire Dieu sans passer par lui. C'est ça le vrai problème. Mais il dit croyez en Dieu et croyez en moi. Mais il dit, si quelqu'un n'honore pas le Fils, il ne peut pas honorer le Père. Et nul ne peut aller au Père qu'en passant par lui. Il y a des choses, il dit bien avoir les cheveux blancs de la Bible ici. Maintenant, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Vous voyez comment il a commencé à faire, non? Donc, quand il prend l'expérience là, l'explication sur la chair, dans la chair, c'est un peu comme par exemple, j'aurais un village. J'ai une patrie où mon père a laissé les biens. On a un grand terrain, vous savez, pour ceux qui ont les héritages. On a un grand terrain au village, il y a assez de place. Je vais aller au village là, je débrouille, je construis une chambre pour toi, pour toi, pour toi. Quand il va finir, il va revenir en ville. Donc, quand l'humain comprend, c'est ça qu'il comprend. N'est-ce pas, frère? Donc, et l'héritage là, c'est l'héritage de son père. Donc, il a eu un père qui l'a accouché et qui lui a donné cela en mourant. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Remarquez bien qu'il n'est pas dit qu'il y a plusieurs maisons dans le ciel. Plusieurs demeures, plusieurs places dans la maison. Plusieurs demeures, l'endroit où on peut y rester dans la maison. C'est une maison. Le corps. Vous voyez cela? Il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Il a promis ça. Le Seigneur a dit qu'il reviendra. Oh, c'est merveilleux, quelle promesse. Entendez cela encore. Je reviendrai. Frère, entendez cela, je reviendrai. Je reviendrai. Je reviendrai. Le Seigneur n'arrive pas, frère. Amen. Je reviendrai. Il dit, et je vous prendrai. Le but pour lequel il vient, c'est vous prendre avec lui. Pas vrai? Amen. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est merveilleux comme promesse, pas vrai? Il y a de quoi sauter là maintenant. il y a de quoi sauter. Vous ne lirez jamais un verset où on a dit qu'il va te donner la voiture parce que la voiture tue. Ah oui, ça tue. Vous, le frein seulement sort et là, la sueur, vous commencez à invoquer Jésus, Marie, Joseph. Mais quelle promesse éternelle. Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez. Ne souhaitez pas vous être là-bas, frère. Ne souhaiterez-vous pas être là? Mon âme, ça bouge là-dedans. Regardez, écoutez cette voix-ci. Je reviendrai. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous soyez. Quelle promesse bénie. Et je reviendrai. Il y a de quoi, on va passer un mois ici, là, je reviendrai. Mais quelqu'un qui dit comme ça doit savoir qui il est. Il donne la promesse. Il dit que si ce n'était pas vrai, il vous aurait dit. Donc c'est une certitude sûrement assurée. C'est très clair. Donc c'est véritablement véridique que c'est vrai ce qu'il a dit. Je reviendrai. Vous l'attendez, frère? Amen. Nous l'attendons, frère. Et même si quelqu'un dit que je ne l'attends pas, il va quand même venir. Parce que rien de ce que nous allons décider, il peut annuler cette promesse. Parce qu'il a dit qu'il va, il va revenir. Amen. Maintenant, verset suivant dit, vous savez où je vais. Il dit comme ça, c'est celui qui était présent. Parce qu'il est physique là. Il dit, vous, qui êtes devant moi là, vous savez, là où je suis en partie là, vous savez. Remarquez bien les choses ici là. Ça, c'est ce qui va m'entourner, dire les choses ici. Il dit, vous savez. Pourtant, quelqu'un au milieu de la vie a des interrogations dans son esprit. Il dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Il veut par là dire que en fait, vous êtes diplômé. Vous savez, dans le monde, quand quelqu'un fait une formation en informatique, à la fin de la cérémonie, on fait le discours pour déceler les diplômes. Le Seigneur, quand il est sorti, depuis le chapitre 13, qu'il a fini de laver les pieds, est sorti là, il a donné comme ça les discours solennels pour remettre les diplômes de fin de formation. Amen. Amen. Quand il va finir là, au verset 17, chapitre 16, là, on va l'arrêter, chapitre 17, 17, 18, là, on va l'arrêter, partir avec lui. Donc il a fait le discours solennel. Il dit que désormais, vous savez le chemin. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Alors maintenant, quelqu'un peut finir la formation, il croit peut-être que je ne connais pas les raccourcis entre le contrôle alt et le contrôle CC, à quoi ça fonctionne. Mais le formateur juge que toi tu as fini à faire l'informatique. Pourquoi? Parce que dans l'aptitude de travailler au fur et à mesure, tu vas t'auto-former, t'auto-perfectionner. Vous suivez ça? Il dit que vous en savez le chemin, mais pourtant, dans ce discours, les gens ont encore le problème. Le vrai problème, c'est ici, c'est que la personne avec qui que le Seigneur Jésus a donné, fini de donner sa formation ne connaît pas encore qui est le Dieu, le Père. Alors que normalement, il a cru en Dieu. Mais ici, il ne connaît pas qui est Dieu, le Père. Il dit que tu m'embrouilles depuis avec tes histoires de Dieu, Père, Jésus, le Père à gauche, le Père à droite. Regardons le verset 28 de ces chapitres-là. Le verset 28 dit, et c'est ça que les musulmans aiment, que le Père est plus grand que moi. Le voilà qui regarde dans le même chapitre, et c'est aux mêmes personnes qu'il a de parler. Regardez le verset 28, il dit quoi? Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Il vous a dit, lui-même a mis les pieds d'achoppement ici. Les pieds d'achoppement. Lorsqu'on va toucher l'aspect, faut-il prier Jésus ou bien ne pas le prier ou bien lui, comment chante des cantiques à Jésus? Les gens disent que non, c'est le blasphème, c'est autre, on va toucher. On va toucher tous ces aspects, on va revenir là-dessus. Il dit, le Père est plus grand que moi. Ok. Le Père est plus grand que moi. Et une fois de plus, en termes de comparaison, on remet ça sur le plan humain. C'est normal qu'un père soit plus grand que son enfant. Dans tous les aspects du thème, nous sommes d'accord. Amen. Donc, redire que le Père est plus grand que moi, c'est une bêtise. Donc, le Seigneur Jésus-Christ soit est en train de dire une chose, soit il veut nous insulter ici. Vous pensez qu'il veut nous insulter? Non. Donc, c'est l'aspect, il a en train de dire une chose qui se trouve là-dedans. Parce que si je suis père et que mon fils est là, ça ne se discute pas. Il y a le droit de naître. Nous sommes d'accord. Quand il dit le père est plus grand que moi, est-ce qu'il devait être plus grand que le père? Est-ce qu'il y a un fils est plus grand que son père? Non. Donc il y a un problème que le verset de nous soulever. Tout à l'heure, nous avons lu 1 Timothée chapitre 2. Qu'il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Le fait qu'on ait mis homme, on veut nous indiquer quelque chose. Qu'il y a en Jésus l'aspect humain et l'aspect divin. Ici, il vient de nous dire la même chose encore. Le Père est plus grand que moi. Revenons maintenant dans la question, le questionnement. Il voit quelque chose pour voir maintenant comment ça marche ici. Regardez. Il dit, verset 4, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas, lui, c'est Thomas qui a commencé l'affaire là. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Mais pourtant, celui qui a fini de former a dit que vous savez où je vais. Et vous savez même le chemin. Et si vous rentrez au chapitre 8, le verset 35, et au chapitre 12, chapitre 8, regardez, tournez tout derrière là, regardez le chapitre 8. Au chapitre 8, que Dieu vous bénisse. Regardez le verset 12 du chapitre 8. Regardez. Je vais lire chapitre 8, on va au chapitre 12. Regardez. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc il leur avait déjà dit ça. C'est pas ça ici? Il dit, vous savez où je vais? Parce que quelqu'un marche dans l'émission, lorsque quelqu'un pointe la torche, tu suis la personne qui a la torche. Parce que la personne éclaire, il sait que quand il a vu comme ça, ça a éclairé, il a mis les pieds. Pas vrai? Donc, je suis seulement les traces de la personne qui a la lumière. Mais ici, il dit qu'il a la lumière. Donc, ça veut dire que s'il y a le pénombre quelque part, ou bien les ténèbres quelque part, où tu le suis seulement pendant qu'il avait sa lumière, il a éclairé son chemin. Pas vrai? Regardez le chapitre 12, verset 35, là, rapidement. Chapitre 12, verset 35. Qu'est-ce que ça dit? Et regardez. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Par conséquent, celui qui marche dans la lumière sait où il va. Donc il leur avait déjà dit ça. Donc le Seigneur juste peut te dire quelque chose. Tu entends, tu ne comprends pas. Et c'est pêle-mêle dans la Bible. Voici un aspect. Voici, je vais prendre cet aspect seulement pour vous montrer. Thomas dit, Thomas, il était présent. Seigneur, nous ne savons où tu vas. Jésus a dit que celui qui marche dans l'obscurité ne sait où il va. Mais pendant ce temps, il dit parallèlement que celui qui a la lumière va savoir où il va passer la lumière, l'éclair, il sait effectivement quelle est la direction qu'il doit prendre. Mais ici, justement, il dit quoi? Seigneur, nous ne savons pas. Mais Jésus a dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas dit, jamais, c'est pas vrai. Nous savons comment, si on ne sait même pas déjà où on va, comment on va savoir le chemin? Le Seigneur va réitérer maintenant. Verset 6, le fameux. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Regardez, juxtaposé avec le verset 12 du chapitre 8 et le verset 35 du chapitre 12 que nous avons lu. Il a dit, tu aurais qu'il est lui la lumière. Quiconque marche avec lui, devant lui, derrière lui, il ne peut pas se perdre, pas vrai? Il s'est dit qu'il est le chemin. Donc, en fait, il guide. Pas vrai? Donc, il leur avait dit cela. Maintenant, il a dit d'une autre façon maintenant qu'il est, il est le chemin. Donc, le chemin, c'est la lumière. La lumière, c'est la vérité. Et si tu as la vérité, tu as la vie. Et donc, mon frère, la vie n'est pas un instrument. N'est pas un souffle, une respiration. La vie est un être. C'est la personne de Yeshua. Vous voyez? Donc, les gens disent que non. Tu penses que c'est toi qui as la vérité. Moi, je connais la vérité. Tu connais la vérité? Il dit que si tu connaissais, tu devais être affranchi. Il dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Après, il dit, si le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libre. Donc, le Fils, c'est la vérité. Donc, connaître la vérité, c'est connaître qui est le Fils. Si tu le connais, il t'affranchit. Tu es réellement libre. Libre de toute impureté, libre de toute condamnation, libre de toutes les exactions de l'être humain, libre de toutes les manigances et des traits enflammés de l'ennemi, libre de tout joug que l'humain peut mettre sur toi, libre de tous les pièges enflammés de l'ennemi qui existent au travers de la religion, libre, libre parce que tu connais le véritable Seigneur Jésus, qu'il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus-Christ n'est pas moins que ça, il est le Dieu véritable et la vie éternel. C'est ainsi dit les Écritures. Donc, dans la Bible que vous avez devant vous, il ne peut pas en même temps être Dieu et en même temps être moins que Dieu. Ce n'est pas possible. Soit il est Dieu, soit il n'est pas du tout Dieu. Alors, s'il n'est pas Dieu, alors c'est l'un des grands blasphémateurs que la Bible n'ait jamais connu. Parce que pour quelqu'un de venir de dire « Je suis la vie », il faut qu'il mesure bien ce qu'il a de dire. « Je suis le chemin », il lui dit ce qu'il a dit. Aucune personne dans la Bible que Dieu a envoyé n'a jamais dit telle chose. quand chacun va venir t'indiquer qu'il faut suivre plutôt Dieu. Mais Jésus dit que c'est moi. Si vous ne croyez pas, vous n'avez pas la vie, vous mourrez là-dedans. C'est fracassant, pas vrai ça? Mais c'est ce qu'il est. Il ne veut pas dire qu'il n'est pas cela. Est-ce que c'est ici? Quand chaque personne venait prêcher, il prêchait Dieu pour montrer les gens à Dieu. Mais Jésus qui vient prêcher pour montrer que c'est lui qui a été établi, pas vrai? Le Saint-Esprit vient par la suite, ne prêche pas autre personne, c'est lui encore qu'on indique. Toutes les Écritures depuis l'Ancien Testament indiquent Jésus. Les témoignages des apôtres indiquent Jésus. Le Saint-Esprit confirme Jésus et l'Écriture sort avec Jésus-Christ régnant dans l'éternité. Verset 6 encore, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça cause encore un problème. Pour venir au Père, on passe par lui. Une fois de plus, si on revient sur le cas de Chanel, c'est comme un père d'une entreprise par exemple. Il prend son fils comme secrétaire. Le bureau de son père quelque part, pour aller dans le bureau de son père. C'est comme ça qu'on comprend ça. Pour aller dans le bureau de son père, tu es obligé de faire dans le bureau de son fils. S'il te plaît, je vais voir ton père, pour que le fils vienne dire que entre ici, voici le père. Père, celui qui veut te rencontrer, vous pensez aux hommes ça? Il faut la délivrance. Il dit, nul ne vient au père que par moi. Donc, ça veut dire que si quelqu'un rejette Jésus, il monte, il dit ça, il ne connaît pas Dieu. Nous sommes d'accord? Amen. Si quelqu'un rejette le Seigneur Jésus-Christ, il ne peut pas connaître qui est Dieu. Parce qu'en réalité, Jésus-Christ, notre Seigneur, est la révélation de Dieu. Jésus-Christ, notre Seigneur, est la révélation de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu s'est caché en lui. Notez Colossiens chapitre 2, verset 3, 1 à 3. Notez cela. Notez 1 Timothée 3, verset 16. Vous y êtes. Donc, notez Colossiens chapitre 2, verset 3, verset 1 à 3, puis le verset 9. Puis le verset 9, et chapitre 1, verset 19. D'accord? Chapitre 2, je vais y revenir en même temps. Suivez attentivement. Le Seigneur Jésus est Dieu enveloppé dans une chair humaine, marchant au milieu des hommes, subissant les moqueries, les railleries, les insultes, les injures, l'opprobre, pour que la création soit réconciliée au Créateur. Et il l'a fait. Même après l'œuvre de la réconciliation, on continue à discuter de cela. Et c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Et étant ici aujourd'hui, nous voulons restaurer seulement les choses. Nous voulons restaurer les choses. Sachant que c'est dans l'ordre des choses que ça arrive ainsi. C'est dans ce sens que nous avons ouvert le livre de Luc chapitre 2 aujourd'hui. Nous allons y revenir. Donc, ici, il dit que nul ne vient au Père que par lui. Il n'y a pas de route pour aller au Père, pas vrai? Et là, dans le premier, se trouve. Ici, c'est trop comme si c'est le Père, c'est comme j'ai décrit dans ce scénario-là, comme si le Père était en bureau, il faut passer par lui pour aller. Donc, pour aller vers le Père, donc, quand vous fermez les yeux, c'est pour ça qu'on va toucher le cadre de la prière au nom du Seigneur Jésus. Donc, quand il prie, c'est pour ça qu'il dit qu'il faut qu'il prie. Père, je te prie comme ça au nom de Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus qui m'a envoyé vers toi. C'est comme ça. Ceci a amené beaucoup d'embrouilles. Cette chose des divinités du Seigneur Jésus-Christ ou pas, a amené beaucoup d'embrouilles. Il y a des gens dans le monde entier qui ne savent même plus qui prier. Parce qu'on a dit qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Une personne dit, ok, maintenant, pour ne pas avoir de problème, j'ai pris Dieu le Père. Après, elle finit plus pour Dieu le Fils. Après, elle finit plus pour Dieu le Saint-Esprit. Parce qu'on a tellement embrouillé les gens. Et pourtant, la Bible est claire par rapport à cette chose. Le Seigneur Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. C'est là où ça va poser problème maintenant. Suivez attentivement. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Arrêtons-nous d'abord dans le premier verset du chapitre 7. Il dit à ses disciples qui sont devant lui, souvenez-vous, ce problème, c'est un problème vraiment délicat. Donc, s'il le dit avec les êtres humains qui sont devant de lui, à combien plus forte raison nous, qui sommes plus de 2000 ans après, qui lisons seulement les Écritures et qui contemplons cela avec les yeux de notre cœur. Eux, ils étaient physiques là-bas. C'était pas facile pour eux pour voir quelqu'un qui est rocaillé avec les rides, avec la barbe par-ci, là, que pour dire que c'est lui Dieu. Que c'est ton créateur devant de toi. Je préfère mon époque où je suis venu où il n'est pas vu frère. Je vous le dis. Je préfère mon épaule parce que quand je lis les Écritures, il y a un tunnel qui sort de mon cœur, ça fait vers le ciel. Littéralement, comme ça. Quand je lis les Écritures, quelque chose bouillon, vous savez, quand le tourbillon fait là, quelque chose se passe entre mon cœur et le ciel, ça fait montant, descendant. Souvent, je demande à mon épouse que, chérie, quand tu te prosternes pour lire les Écritures, quelque chose sort de ton cœur, quelque chose fait, quelque chose. Je ne peux pas comment savoir. La seule possibilité qu'il puisse expliquer, c'est ce tourbillon-là qui fait en montant, en descendant, en montant, en descendant, depuis le haut vers ici. Je dis, si tu sens ça, elle me regarde comme ça, elle bouge la tête comme ça. Hein. Je dis, je préfère mon époque avec les Écritures parce que là, il peut voir ça clairement. Vous savez, parce que j'ai son commencement, j'ai comment il est venu, j'ai comment il a vécu, j'ai ce qu'il va devenir. Donc, maintenant, il peut bien voir le tableau complet. Mais étant dans le scénario, c'est difficile de trouver qui c'est. Je comprends donc ces juifs-là qui pouvaient lire les Écritures. Pourquoi Bethléem en Juda? Qui est de la Bethléem, qui est de la descendance royale? Et on regarde la lignée, on regarde. Remarquez bien, quand il est venu encore à Bethléem, non seulement il allait à Bethléem naître, il allait là où il y a le poulailler. Là où les bœufs ont chié, au là-bas. Donc son premier parfum, c'est le caca de la poule. Dites quoi? Vous pensez que Hérode va venir, et si Hérode vient là-bas, comme il a dit qu'il devait adorer là, s'il voit à la même là-bas, il va dire que... Il devait dire que ouais, le grand hôtel ou l'hôpital général de Bethléem se trouve où? On dit c'est là-bas, il va aller là-bas, on dit que le Bélissant dit qu'on ne connaît pas quelqu'un qui s'appelle le Messie ici. On dit que c'est où? On dit que c'est dans le village là-bas, le Doudi qui est là-bas. Tout quoi? Il va dire au mage là que ce soit la dernière fois que vous venez tromper les gens ici. Là. Où le Messie va naître là-bas, votre étoile là c'est quoi? Vous voyez? Qu'est-ce qu'il a fait? Devenant semblable aux hommes, il s'est rabaissé encore davantage au-dessous des hommes. Je vous le dis, nous sommes ici, on remonte à l'égalité dans le plan, sur le plan spirituel. On pose maintenant la question, l'esprit. Le Saint-Esprit pose la question, Brian, tu veux naître dans quelle famille sur la terre? Première chose, tu dis George Wakabush. Le pasteur va dire Bill Gates. Parce qu'il sait ce que c'est que la souffrance sur la terre. Pas vrai? Qui va vouloir accepter? C'est que les familles pauvres, la personne n'est pas là-bas. Parce que naturellement, l'être humain n'aime pas la souffrance. Mais le Messie est né là-bas. La Bible déclare de lui qu'il a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert. Il a accepté la souffrance. On dit bien qu'il fut fils, remarquez bien encore le mot bien, dans ce livre d'Hébreux. Bien qu'il fut fils, il a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert. Donc il a accepté de souffrir pour apprendre les choses aussi, malgré qu'il soit fils. Donc il a accepté de laisser la puissance, toute la divinité de côté, vivre comme les hommes. Et il a dit ça plusieurs fois. Il se tourne là, on vient l'arrêter en plein là. Vous cherchez qui? Celui qu'on appelle Jésus, la puissance du nom de Jésus qui les renverse, il se lève. Là, il dit, le fait qu'il ait dit celui qu'on appelle Jésus, tous, on a dit tous sont allés à renverse, tomber. Qu'est-ce qu'il a refroidi le vertige de la puissance de Dieu? Il se lève encore, il dit, on nous a dit d'aller arrêter. Il dit, vous dites, mais vous cherchez qui dit Jésus? Il rentre, le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Il se lève là-bas. Pierre dit que, mère, qui veut toucher Dieu, il faut qu'il défende Dieu. Vous voyez, il jouait le rôle des musulmans ici. Que voilà, il tout ça, mon Jésus, va te montrer ce que ça va dire. Il a fait une fière de gars et que ça a fait plein. Il a dit, Pétro, fais attention. Garde ton épée dans son fourreau. Il se baisse. Regardez bien. On vient attraper Jésus. On coupe l'oreille. Le simple fait qu'il a dit que c'est moi, il tombe à la renverse. Moi, je vais montrer quelle puissance est sur cette personne. Il dit à ses disciples, ne pensez-vous pas que je sois capable d'invoquer mon Père et que le Père envoie des milliers d'anges? Il n'a même pas besoin de dire que les anges viennent pour le faire frère. Il suffit de dire disparaît, tu disparais. Puisqu'il dit au vent, silence. Le vent est en silence. À combien de fois raison l'être humain qui est la poussière? Tu peux dire à l'ouragan que tais-toi. Si l'ouragan Katrina qui tourne aux États-Unis vient dans cette direction-ci, tu tends la main, tu dis au nom de Jésus, tu attends, tu fermes les yeux. Tu vas dire au nom de Jésus en fuyant comme ça, au nom de Jésus. Parce que tu dis au nom de Jésus, ça en est d'arriver vers toi, pas vrai? Même si Dieu va tester que ça arrive vers toi, en arrêter, tu vas quand même fuir d'abord que. Il va passer, tu vas continuer à dire au nom de Dieu pour l'accompagner. Mais lui, il se tourne dans la barque, il se lève, il regarde et il dit silence. Les vagues font comme ça. On va regarder ça, la puissance de la création. Les vagues font comme ça s'arrête. Qu'est-ce que les mêmes disciples ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qui est celui-ci même en qui le vent? La question là devait poser pour démontrer que dans Isaïe, c'est écrit que c'est lui qui arrête les mugissements des eaux. C'est écrit dans les prophètes comme ça que c'est lui, l'Éternel, qui arrête les mugissements des eaux, l'orgueil des vagues. C'est lui qui les arrête. Et il a dit silence. C'est silence. Isaïe a été accompli. Pas vrai? Il s'est tenu là-bas un de ces jours alors que quelqu'un était de manger. Ils sont dans une maison où il y a l'ouverture en haut. Les gens disent qu'on va passer par comment on va le rencontrer. Les gens sont là seulement curieux. Pendant que ceux qui sont en assemblée sont là seulement pour poser des questions pour voir là où le frère Junior va. Pas le frère Junior, le Seigneur qui va tomber. Il va faire la faute. Il faut qu'on regarde dans son enseignement pour voir quelque chose qui ne va pas. Il va dire quelque chose. Et quand il sait comme ça, là, il prêche encore sur le pantalon. Non, ça c'est moi ça. Lui, quand il voit comme ça, là, il manifeste sa divinité. Amen. Il manifeste sa divinité. On a tendu quatre personnes, tendu cet homme-là qui était malade. Il s'est mis au milieu de nous. Il dit que maintenant il venait montrer maintenant de quel bois il me chauffe. Il pouvait guérir ces personnes-là, non? Il veut dire que soit guéri, pas vrai? Il a voulu sortir ce qui est sur le cœur de ceux-là. Il dit, mon fils, prends courage. Tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. C'est l'assemblée maintenant. Chacun dit que frère Junior, finis ton enseignement, je pars. Tu exagères. Non, pas moi. Lui. Vous savez, on se confond là maintenant. Il dit. Ça, c'est dans le cœur. Hein. Personne ne parle, hein. C'est sur le cœur. Okay. Ce qui veut dire là, vous entendez, mais ça, c'est dans le cœur que ça se disait. Okay. Celui-ci qui pardonne le péché. Il faut que tu regardes Jésus dans les yeux. Hein. Seigneur Dieu, tu es un grand homme, hein. Mais dans le cœur, c'est que. Alléluia. L'être humain. L'être humain. Dans le cœur, c'est que Seigneur Jésus. Remarquez bien cet autre homme qui a invité Jésus. Il a invité Jésus. Jésus est en train de manger dans sa nourriture. Et souvenez-vous. Ça ne veut pas dire que quand vous mangez avec Jésus, vous lui faites des bons choses, vous priez pour son nom, que vous allez faire la faute, il ne va vous tolérer jamais. Celui-là est invité chez lui, prépare, il mange sa nourriture. Cette pâchère-là est en train de pleurer. Il a encore dit à son cœur que Seigneur, la nourriture est bonne, il n'y a pas trop de piment. Oui. Dans son cœur, il dit que c'est cet homme-ci était de Dieu. Comment il peut dire encore ça dans son cœur? Il saurait que cette femme-ci est une femme de mauvaise vie. Il s'est tourné et dit Simon, oui. Depuis qu'il est entré chez toi, tu ne m'as pas lavé le pied, mais depuis qu'elle est entrée là comme ça, tu ne m'as pas essuyé, là, essuyé. C'est pourquoi ces nombreux péchés sont pardonnés. Il a dit, Wanda, il a encore exagéré. Vous avez ça? Mais qu'est-ce qu'il a de fait ici? La Bible déclare dans le livre de Jérémie, chapitre 17, le verset 23, que c'est celui-là qui sonde les cœurs et des reins. Dans ce Jérémie, chapitre 17. Celui qui sonde les cœurs et des reins et qui rendra à chacun selon son œuvre. C'est ce qui est écrit là-bas. L'Apocalypse, chapitre 2, verset 23. Il dit que afin que toutes les églises sauront que c'est moi qui sonde, c'est moi, Jésus, qui sonde les cœurs et des reins, et qui rend à chacun son œuvre. Le voilà, l'Éternel de l'Ancien Testament se trouve là-bas en plein milieu. De se trouver là-bas, cet homme-là était accouché là-bas. Voilà donc ce qui lui est arrivé. Voilà sortir les cœurs, ce qui est sur le cœur, et montrer que dans le ciel, il va différent comme sur la terre. Montrant que le fait qu'il descende dans le cadre humain, montrant que le fait qu'il vienne tabernacler sur la terre, ça ne change rien de sa toute puissance. Il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre. A quoi? Sur la terre. Que le Fils de l'homme a sur la terre. Qui est le Fils de l'homme? Qui est Fils de l'homme? Quand il parle, il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché. Lève-toi, lui dit-il au paradis. Prends ton lit et marche. Avant de le dire, ça, il a dit que vous pensez qu'elle est plus difficile. Parce que je peux te dire que non, que tes péchés sont pardonnés. Quelle est la preuve? Il y a une preuve. Si tu pries là, tu pries avec ma compassion humaine, il dit que ma soeur ne t'inquiète même plus, Dieu t'a pardonné. Je dis comme ça, c'est pas Dieu qui a dit vrai, il veut me tenir où devant lui ce jour-là. Il veut dire, si il dit, Dieu t'a pardonné. Là, il n'y a pas de preuve, tu ne peux pas avoir de preuve parce qu'il n'y a pas de preuve pour avoir accès à ça. Mais pour que la maladie se guérisse, il faut qu'il y ait la preuve parce que là, il est couché, il faut qu'il se lève. Il dit, lequel est plus difficile, de dire que tes péchés sont pardonnés ou bien que lève-toi, prends ton lit et marche. Entre vous, dit, lequel est difficile. Or, ce qui semble difficile pour l'être humain, c'est le plus facile pour lui. Le plus difficile pour l'être humain, pour normalement, c'est le péché. Tu ne peux pas enlever le péché. On est d'accord? En fait, de toute façon, les deux cas, c'est difficile pour l'être humain. Tu ne peux non plus faire marcher. Amen. Mais le plus difficile, c'est le péché. Parce que le péché qui habite en toi, tu vas faire le pas comment tu vas mentir. Pas vrai? C'est en toi. Comment tu vas faire pour sortir de cela? Il dit, s'il dit, c'est pardonner, voilà le plus difficile. Qui vient de pardonner? Mais il dit ça avant la parole. Mais cette parole-là, c'est la même parole qui guérit. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Il laisse le pardon des péchés. Lève-toi, lui dit. Et la personne se lève. Quand il dit lève-toi, tous ses nerfs sont criés, frère. Si c'est la leucémie, un autre sang est là-dedans. Ça va où? C'est pas la qualité que tu te lèves, tu commences à faire comme les médecins font, on met les prothèses pour que tu essaies de marcher. Tu marches là comme si tu as toujours marché. Quand le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Il a montré par sa vie qu'il est le Créateur. Montré qu'il est le Tout-Puissant, malgré qu'il soit dans l'enveloppe humaine. Amen. Amen. Souvenez-vous, Jésus est Dieu sans même la Bible. Tout l'univers raconte qu'il est le Créateur. Amen. Amen. Donc, voici la problématique qui se pose ici. Il dit, nul ne va au Père que par moi. Alors, Jésus leur dit encore, verset 8 maintenant, non, verset 7, il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Il dit ça à ses disciples, il dit comme ça à ses disciples. Il dit que si en réalité vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Je pose la question maintenant. Chacun parle de Dieu, mais vous entendez ce qu'il dit de Jésus-Christ, ça n'a pas de sens par rapport à la Bible, n'est-ce pas? Donc la personne se trompe sur Dieu. Parce que connaître Dieu, le commencement, c'est savoir qui est Christ. Vous ne connaissez pas qui est le Seigneur Jésus, vous ne connaissez pas qui est le Seigneur Jésus-Christ, vous vous trompez déjà dans le truc de Dieu. Vous allez citer Dieu, ça ne fera pas que c'est lui que vous allez servir. Nous sommes d'accord? Prenons ces Colossiens avant de venir dans ce livre de Matthieu, de Jean encore. Colossiens. Que Dieu vous bénisse. Colossiens chapitre 2. On va revenir tout au long des. C'est les Écritures là. Il est marqué que depuis, il n'a même pas encore bien touché les prophètes, pas vrai? Colossiens chapitre 2. Le livre des Colossiens. Chapitre 2. On y va. Regardez verset 1 à 3. Je vous ai dit ça tout à l'heure, n'est-ce pas? Vous y avez moi? Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour tous ceux qui sont à l'Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, virgule, savoir Christ. Christ est le mystère de Dieu. Et le mystère veut dire quelque chose qu'on a enveloppé, quelque chose qu'on a caché. Donc, Christ est l'enveloppe de Dieu. Dieu est enveloppé derrière ou en Christ. On a vu ça dans 2 Corinthiens aujourd'hui, chapitre 5, verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Pas avec qui? Amen. Donc, à la croix, c'était Dieu qui réconciliait les hommes. Vous y êtes? Alors, donc, ici, il dit, savoir, il faut connaître cette pleine intelligence pour. Le but qu'on a eu de cette intelligence, c'est l'intelligence spirituelle. C'est pas, il n'a pas dit qu'on va apprendre à l'école. C'est pas ça qu'on a dit ici. Il faut que Dieu nous donne la grâce et l'intelligence spirituelle pour savoir vraiment qui était le Christ. Pour se connaître Dieu. Et savoir que c'est Dieu, c'est Christ qui est le mystère de Dieu. Écoutez bien. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc, comprendre quelle est véritablement la personne qu'on appelle Yeshua, Jésus, connaître qui il est vraiment, c'est la porte pour ouvrir les trésors du ciel. La porte pour ouvrir le trésor du ciel. Donc, dès le départ, si tu ne crois pas que Jésus-Christ est Dieu, tu es en train de jouer dans un terrain où tout le monde a les chaussures, tu n'en as pas. Tu vas avoir des problèmes. Il suffit qu'on te mette un petit godard sur les orteils là et tu commences à sortir maintenant comme des tintins. Tu vas beau dire n'importe quoi, développer n'importe quel aspect par la suite, tu vas avoir seulement les maux de tête. Il a dit ici qu'il faut que c'est l'intelligence spirituelle qui doit amener cela. C'est-à-dire, en clair, la révélation de qui est. On avance. Regardez le verset 9. Verset 8 et 9. Regardez très attentivement. Prenez garde. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Vous voyez que vous êtes tout n'importe comment, c'est Christ que ça indique, pas vrai? Car en lui, lui est mis pour qui? Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, tout Dieu habitait en lui, Christ là. Donc, on met en garde d'abord que premièrement, que ne faites pas, laissez que les gens ne vous, faites attention que les gens ne vous séduisent pas par la philosophie, que quelqu'un ne vous embrouille pas. Lui, en lui là, tout Dieu était en lui. C'est ce qu'on avait dit. Donc, ça veut dire que, verset 8, on avait dit que n'accepte pas n'importe quel discours où on va venir vous donner les raisonnements. Souvenez-vous que en Jésus-Christ, tout Dieu était là-bas. C'est ce qui est écrit là-bas dans le verset 8 et 9. Vous y êtes? Chapitre 1, verset 19, puisque nous sommes dans le livre des chapitre 1 dans le livre des Colossiens, là, moi j'ai déjà quitté. Lis-moi le verset 19 du chapitre 1 là, rapidement. Le verset 19 du chapitre 1 dit quoi, à haute voix? Sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté et soudainement assemblé. J'ai dit le verset 19. Hein? Le verset 19. Allons-y, chapitre 1. du Colossien. Oh, c'est pas croyable. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Stop. Vous avez vu? Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. C'est ce qu'il a dit dans ce livre-là, lorsqu'il a crié dans Matthieu, chapitre 3, verset 17, en disant que ah, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. L'aspect-là, c'est tellement beaucoup, là, chaque fois, il y a toujours des aspects. Engendré aujourd'hui, il faut qu'on touche ce que veut dire engendrer aujourd'hui. Si j'oublie cela, rappelez-moi que j'en parle. C'est que là, qu'est-ce que Dieu en tant que j'étais engendré aujourd'hui? En qui j'ai mis mon affection? En qui j'ai mis mon affection? Comment Dieu peut mettre son affection sur un homme? Mettre son affection, ça veut dire quoi? C'est je me plais à demeurer, je me plais à habiter. Voici le corps que je me suis sanctifié pour y habiter. C'est merveilleux tout simplement. C'est merveilleux. Je me plais à demeurer. Je me plais. Voici le tabernacle que j'ai habité. Vous savez, le lieu de résidence. Le lieu où Dieu a mis son nom. J'ai mis mon nom en lui. C'est ça dont il est question. Donc ici, il dit que Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Donc Dieu voulait entrer dans, là-dedans. C'est ce que Salomon a dit. Quoi donc? Dieu habitait-il au milieu des hommes? Dieu habitait-il au milieu des hommes? Il a vu cela. Tous les prophètes, bon, de toute façon, regardons dans notre Jean chapitre 14. Souvenez-vous, on a Michel depuis qu'on a mis en apostrophe. Et on a pour Luc chapitre 2, n'est-ce pas? Maintenant, si regardons notre Luc, Matthieu, comment il s'appelle? Jean 14, merci. Vous êtes vraiment là-dedans. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Donc, vous voyez effectivement que l'ordre n'est pas renversé. Vous n'avez pas deux choix pour aller à Dieu, c'est par Jésus. Parce qu'il s'est enveloppé dans Jésus. Il s'est enveloppé dans Jésus. Le Dieu Esprit s'est incarné dans un être. Cet être-là est appelé le Sauveur. Parce que Dieu est Sauveur. Il sauve en tant qu'homme. Il habite parmi les hommes pour goûter, puisque les fils ont part au sang. Il y a lui-même participé afin de racheter tous ceux qui étaient, toutes les vies étaient gardées sous, dans la crainte de la mort. Dans ce livre d'Hébreux qu'on va revenir au chapitre 1, chapitre 2, jusqu'au chapitre 7, encore dans les développements. Il dit donc, si vous me connaissez, verset 7, vous connaîtriez aussi mon Père. Et puis il dit, et dès maintenant, vous l'avez vu. Stop. Remarquez très bien. Il y a deux personnes, deux personnages qu'on a désigné dans ce verset. Si vous me connaîtriez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, à partir de maintenant, vous me connaissiez. Vous le connaissez. Le là est mis pour qui? Pour le Père. Voilà. Et puis, c'est le fini par là. Vous le connaissez et vous l'avez vu. C'est terrible, pas vrai? C'est terrible. C'est terrible. Vous le, dès maintenant, à présent vous êtes là, non, maintenant vous dites que les maintenant, dans cet instant-ci, vous le, Jésus le Seigneur ne dit pas dans ce verset, c'est que vous me connaissez, vous m'avez vu. Il parle du Père ici, parce qu'il dit vous le connaissez. Et il parle comme ça à la troisième personne, donc il parle du Père. Vous le connaissez et vous l'avez vu. Regardez bien le verset 8. C'est là alors que ça a encore suscité encore la question à Philippe. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et ça lui suffit. Comment dire à quelqu'un que tu l'as déjà vu? Il dit que montre-nous. Il dit que vous avez vu ma Bible. Il dit que montre-moi ta Bible. Ah, Dieu enveloppé dans une chair. Souvenez-vous, Christ, notre Seigneur, est Dieu même sans la Bible. Même sans la Bible. Même sans la Bible, frère. Tous les prophètes dans l'Ancien Testament ont vu, ils savaient que c'était lui, Dieu. Quand Ézéchiel l'a vu là-bas, quand il était caché au-dessus de ces chérubins-là, alors qu'il était plongé dans le feu, Ézéchiel a vu la tête comme ça, levé la tête dans la vision pour voir un peu comment il était caché, enveloppé dans le feu. Ici, alors Philippe dit ici, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Qu'est-ce que Philippe veut voir? Pourquoi? Parce que Jésus a parlé du Père là, en disant que vous avez vu. Les gars ne sont pas sûrs, ils disent, mais le type, si, il dit le Père. Il n'y a pas un endroit où il s'est rassemblé comme ça, comme le Père a dit, mais voici, voyez-moi, c'est mon fils ici. Non. Depuis, c'est lui qui est au milieu de la parler. Philippe, on lui dit, Seigneur, montre le Père, ça nous suffit. Donc, si tu dis, montre vraiment le Père là, bref, on le voit. On ne te posa plus la question sur le Père. Et remarquez très bien, quand le Seigneur dit qu'il va désigner cela, ils ne vont plus jamais avoir problème avec le Père. Nous sommes d'accord? Voilà. Maintenant, remarquez bien, le Seigneur, ce qu'il dit, verset 9, Jésus lui dit, maintenant, souvenez-vous de ce qu'il dit. Chaque fois qu'on pose une question au Seigneur, il répond. Thomas a posé la question. Parce que Jésus a d'abord dit, dès maintenant, vous connaissez le chemin, vous savez où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit que, mais Seigneur, nous ne savons pas le chemin, nous ne savons pas où tu vas, comment devons-nous connaître le chemin. Il a dit à sa question, je suis le chemin. Donc il a répondu à ses interrogations. La vérité est la vie. Nul ne va au Père autrement que par moi. Ça a réglé le problème avec Thomas. Thomas a assimilé. Philippe revient avec sa question. Et après, Jésus dit là-bas que le Père... c'est terrible. Jésus dit, verset 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que le Père parlait du haut des cieux. Et tu n'as pas compris. Je suis avec vous. C'est quoi dans votre version? Et alors, mais attends, comment je vois ici, il y a si longtemps que le Père est dans le ciel et vous n'entendez pas, c'est pas ça? Non mais attends, il y a un problème ici. Thomas a dit qu'il veut voir qui, le Fils ou le Père? Le Père. Attends, je vais le lire d'abord, peut-être c'est l'erreur ici. Hein. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Fils. Et cela ne suffit, non. Le Père. Et Jésus lui dit, ce que Jésus va sortir, c'est en réponse à sa question. Il y a si longtemps que le Père. Je suis. Dis à quelqu'un, je suis est le Père. Je suis est le Père. Encore. Je suis est le Père. Dis encore. Je suis est le Père. Et ils ont vu Jésus. Ils ont vu qui est le Père. Qui est le Père. Voilà. C'est fracassant, pas vrai? Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Donc, le verset est clair pour dire que c'est la réponse à la question de Philippe. Parce que Philippe voulait voir le Père. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Quoi, Philippe? Depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Il n'a pas dit vous ne m'avez pas connu. Il a dit tu ne m'as pas connu. Philippe a eu la révélation de Dieu voilé dans la chair de Yeshua. Il y a si longtemps, donc toute la durée, voici la fin de formation, on a des sorties, on a donné le diplôme tout à l'heure là, tu ne sais pas encore qui est le Père, mais c'est que tu as raté tes coups, hein. Dirais-je, dira-t-il en notre époque, en notre langage. Amen. C'est un peu comme les médecins qui finissent de faire la formation 7 ans au CUS, et que la 7e année, on amène une poupée dans la formation, dans la science pratique théorique pour le diplôme pour la cérémonie, et qu'il prend l'aiguille comme ça là, vous voyez, la personne prend l'aiguille sans porter les gants, et elle parle au niveau de piquer au niveau des veines, puis au niveau des doigts. Quand tu es dans la salle, tu sais effectivement qu'il faut que tu remarques bien ce médecin si pour ne pas aller vers lui plus tard. Pas vrai? Parce que quelqu'un qui ne maîtrise pas son coup. Si quelqu'un comme Philippe ne connaît pas qui est le Père, il va aller prêcher qui? S'il ne connaît pas qui est le Père, parce que le but c'est d'amener les gens vers le Père. S'il ne connaît pas, il va aller prêcher. Si tu ne sais pas où tu en es d'aller, toi tu peux conduire quelqu'un. Le Seigneur n'a-t-il pas dit qu'un aveugle peut conduire un aveugle? Amen. Amen. Alors maintenant, le Seigneur Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est lui qui m'a vu. A vu le Père. C'est une déclaration encore fracassante. Je laisse encore dans Jean 10, verset 30, le Père et moi nous sommes un. Je laisse tout cela. Le Père et moi nous sommes un, je n'en parlerai pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Tu me vois, tu as vu le Père, c'est terminé. Tu m'as vu, c'est le Père. Tu m'as vu, je suis le Père. Tu m'as vu, je suis le Père. Celui qui me voit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu? Il pose une dernière question à Philippe. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Donc, tu le cherches en d'autres termes, tu le cherches encore où? Tu cherches quel Père? Puis il va poser encore la question en bas. Cette fois-ci, verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à côté de moi? Où ça? Je vous pose la question. Un être humain, un prophète peut-il dire cela? Donc, dites ami musulman. Jésus n'est pas un simple prophète. Parce que Mohammed ne peut pas dire ça. Encore qu'il n'est pas d'abord un prophète. Oui, mais même si tu dis, il n'y a pas de problème. Alors, regardez ce que je vais dire. Le Seigneur Jésus dit, il y a un échange entre Philippe. Philippe dit, montre le Père, ça ne suffit. Le Seigneur Jésus dit, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Puis il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père? C'est un défi. Je suis dans le Père. Pas que je suis à côté du Père. On va voir la droite de Dieu. On va voir ce que c'est que... Vous voyez, c'est vaste, c'est vaste. On va voir ce que c'est que la droite de Dieu et le bras de l'Éternel. Tout cela, on va voir qu'on voit cela. Qu'il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu. Voici ce que la Bible a dit. Il est assis à la droite de Dieu. Donc quand il est monté, les esprits en haut s'assoient. Il est fatigué. Il est debout à la droite de Dieu. Alors maintenant, Dieu lui qui est esprit aussi assis sur le trône. C'est ça, n'est-ce pas? Que Dieu nous aide vraiment. Dis à ton voisin encore, connaître Christ. Connaître Christ. Tu connais qui est Christ. Tu connais qui est Christ. Tu comprendras qui est Dieu. Tu comprendras qui est Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus est Dieu. Avec ou sans ta Bible. Avec ou sans ta Bible. Avec ou sans les prédications. Avec ou sans les prédications. Avec ou sans les prédications. Même si quelqu'un se tue. En montrant les versets. Le premier verset. Deuxième verset. Troisième verset. 111e verset. 115e verset. Même 4 millionième verset. Pour montrer que le Père du Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Jésus est quand même Dieu. Ne crois-tu pas que le Père, que je suis dans le Père? Expliquez-nous. Comment il est dans le Père? Il n'a pas dit qu'il est le Père avec l'unir, avec les derniers. Non, non, non. Il est dans le Père. Ce n'est pas suffisant. Ceux qui font la mathématique, ça, ce qui veut dire que l'ensemble, si A est inclus dans B et B est inclus dans A, ça veut dire que l'ensemble A égale à l'ensemble B. C'est logique et simple. Amen. Amen. Écoutez très attentivement. Ne crois-tu pas que je suis, sur verset 10, dans le Père et que le Père est à côté de moi? En moi. Soulignez en. Vous y êtes. Donc en Jésus-Christ résidait le Père. Et on a lu ça ici partout, n'est pas vrai? En Jésus-Christ homme, résidait Dieu le Père. Le Dieu Esprit résidait en lui. Et ce Dieu Esprit, donc, est celui que vous appelez le Saint-Esprit. On l'appelle l'Esprit de Jésus-Christ, ou bien l'Esprit de son Fils. Dans Luc de Galates, chapitre 4, le verset 6 et 7 disent l'Esprit de son Fils. Je suis dans le Père et que le Père est en moi. 2 Corinthiens 5, verset 19, car Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Colossiens chapitre 2. Car en lui habite en lui habite à l'intérieur de lui tabernacle corporellement, physiquement, toute la plénitude de la divinité. Et souvenez-vous, sur la terre, il est fils de l'homme, n'est-ce pas? Mais savez-vous que quand il était sur la terre, fils de l'homme, il est toujours fils de l'homme dans le ciel? Jean, allons-y dans le chapitre 1. C'est terrible. C'est dans le livre de Jean. Lisons Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, versets 17 et 18. Suivez attentivement. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Vous avez vu? Verset 18, suivez attentivement. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique. C'est déjà un problème encore avec le thème-ci. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Je ne sais pas comment on peut nous en comprendre. Le Fils unique, pas qui est auprès, qui est dans le sein du Père. C'est merveilleux ça. L'a fait connaître. Christ est la révélation de Dieu. La Bible l'appelle l'empreinte et la gloire de Dieu. Allons-y dans le chapitre 3. Que Dieu vous bénisse vraiment. On y va. Regardez le verset 13. Chapitre 3, verset 13. Regardez le verset 12 et 13. Il prend à partir du verset 12 et 13. Si vous ne croyez pas, je suis dans Jean chapitre 3, versets 12 et 13. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Vous y êtes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Virgule. Écoutez attentivement. Le Fils de l'homme qui sera dans le ciel. Pardon. Ça pose encore un autre problème. Il est en train de parler, il est avec une personne face à face de lui, Nicodème. Il est assis comme ça, Nicodème est assis comme ça. Il dit, personne n'est jamais monté au ciel, sinon celui qui est descendu. Puis il dit, il désigne celui-là qui est descendu. Donc le Fils de l'homme est descendu du ciel. Il ne dit pas qu'il est né par Marie. Il dit, descendu du ciel, virgule, le Fils de l'homme. Fils de l'homme est pour qui? Après il dit qu'il est dans le ciel. Donc à l'instant il est en train de causer avec Nicodème, il se trouve où? Comment vous j'arrête? Vous êtes fatigué? Vous n'êtes pas content? Vous ne voulez pas qu'il soit Dieu? Même s'il ne voulait pas, il est quand même Dieu, c'est ce qu'on a dit. Même hors de la Bible, même sans vous, même sans moi, il est quand même Dieu. Mais comment on lit la Bible? Je pose la question, vous dites, vous bégayez. J'ai dit, Nicodème, il est question de chapitre 3, verset 1, dit qu'il y a un homme aussi qui venait de nuit, il s'appelait Nicodème, qui est venu de Jésus. Il a dit, mais nous savons que tu es un docteur venu de car personne, nul ne peut faire ce miracle que tu opères si Dieu n'est avec lui. Il a commencé l'histoire de neuf de nouveau, non? Et au verset 13 ici, donc, il dit, personne n'est jamais monté aussi, sinon celui qui est descendu du ciel, virgule. Le Fils de l'homme. Souvenez-vous, il y a une personne, Nicodème, il y a Yeshua, devant lui en train de parler, pas vrai? Donc le Seigneur Jésus est devant lui en train de parler. Ils sont deux. Jésus lui dit, personne n'est jamais monté au ciel. Souvenez-vous, il est le Fils de l'homme. Sinon, celui qui est descendu. Celui-là, qu'est-ce qui est descendu dans leur conversation? Qui est descendu du ciel? Le Fils de l'homme. Après, il dit qu'il est où? À l'instant, il lui parlait physiquement, il se trouve où? Mais à l'instant, il a de lui informé qu'il est encore où? Dis à ton voisin, que tu le veux ou pas. Jésus est Dieu. Même si tu ne l'acceptes pas. Même si tu vois quoi. Même si on t'a dit quoi. Jésus est quand même Dieu. Voilà. Dans Matthieu chapitre 13, il va dire clairement que c'est le Fils de l'homme qui a crié. Pas vrai? Dans la semence, dans la parabole de la semence là. Dans le livret des champs. Vous vous souvenez de cela? Amen. Il dit que le champ, c'est le monde. Les bonnes semences, c'est le Fils du royaume. C'est lui qui l'a semé, c'est le Fils de l'homme. Donc il vient de désigner qu'il est le créateur d'Adam et de Ève et de tout ce qui était dans le jardin. Amen. Amen. Souvenez-vous, lorsque nous lisions Jean chapitre 1, le verset 18, il dit qu'on a lu le terme Fils unique. On va revenir sur le terme Fils unique, comme on a revenu sur le terme Fils de Dieu. On va revenir sur le terme Fils de David, d'accord? Fils de l'homme, on va revenir là-dessus. Il y a un thème particulier qui est collé au Seigneur Jésus-Christ qui est merveilleux. Premier-né. Premier-né. Mais c'est terrible comme désignation. Regardez ce livre de Romains chapitre 8, verset 29. Verset 28, 29. Car nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, virgule, de ceux qui sont. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image afin que son fils fût le premier entre plusieurs frères. Alors, comment Jésus-Christ, qui est né longtemps, après qu'il y ait des hommes sur la terre, devient premier né? Ça pose un problème. Il faut l'expliquer. N'est-ce pas, c'est quelqu'un qui l'a accouché, quand il y avait des êtres humains sur la terre, mais on dit qu'il est le premier né. On dit qu'il est le premier-né. Comment quelqu'un peut être le commencement et la fin en même temps? Comment tu peux être commencement et tu es encore fin? Tu peux être le bout de la table ici, le bout de la table ici. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Même si je voulais dire autrement, il est quand même Dieu. Même si moi-même je refuse dans mon entendement, il est quand même Dieu. Parce que la voiture, c'est la voiture. Même si tu refuses, la voiture est quand même la voiture. Dis que désormais, je l'appelle ventilateur, mais c'est quand même la voiture. Même si tu dis que ça, quand la voiture passe comme ça, ça donne de l'air. Donc, je considère que c'est le ventilateur. C'est quand même la voiture. Il a prouvé dans son humanité que c'était Dieu au milieu des hommes. Éphésiens, donc, dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16, que je vous ai donné, dit « Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. » Dieu est venu dans une chair humaine. C'est pour ça qu'on appelle Emmanuel. Et c'est un autre problème ici. Vous lisez le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 7, verset 14. La prophétie dit en Israël que la vierge, la jeune fille, enfantera. Une vierge est censée enfanter, mais son aspect de virginité. Observons le plus. On dit là-bas, on lui donnera le nom d'Emmanuel. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Il vient en plein là, né sous la loi, comme Galat nous dit. Il naît. L'ange vient informer Marie que c'est pourquoi l'ancien enfant qui était dans ton ventre sera appelé le fils du Dieu très haut. Tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple. Pas le peuple de son peuple. L'enfant qui naît a un peuple. Mais c'est terrible. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le péché de son peuple. L'enfant naît, il veut trouver un peuple et ce peuple-là, c'est son peuple. Mais c'est terrible. Il sauvera son peuple de ses péchés, n'est-ce pas? Mais le vrai problème, c'est que l'ange dit quand il lui donnera le nom de Yeshua. Jésus, Dieu sauveur, n'est-ce pas? Mais pourtant, la prophétie dit qu'on l'appellera Emmanuel. On s'attend à ce que l'enfant sorte. On dit que Emmanuel vient ici. Mais non, on appelle Jésus. Fils de Dieu, pas vrai? Où est parti le nom d'Emmanuel? Vous avez vu quelque part dans la Bible où on appelle Emmanuel? En dehors de Isaïe. Alors dans ces cas, que veut dire on l'appellera Emmanuel et que plus tard on ne l'a pas appelé Emmanuel. Donc la prophétie dit, le saint enfant qui naîtra de la Vierge, ça sera le Dieu créateur au milieu des hommes. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Et plusieurs prophéties, mais dans le livre de Sophonie, dit qu'il est au milieu de toi, doux et humble, dans l'éternel. Il va garder le silence, pas vrai, à cause de l'amour qu'il porte pour son peuple. Jésus est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Et donc là, les contradictions et les casse-têtes qu'on a eu à avoir et qu'on a jusqu'à maintenant par rapport à sa divinité, sa personne et autres, les chutes et le relèvement sont prévues dans la Bible, comme on a vu cela dans le livre de Luc au chapitre 2, verset 27. Nous allons développer ça dans la prochaine séance. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Son nom est au-dessus de tout nom. Il a le nom qui est au-dessus de tout nom qui ne peut pas se nommer. Jésus est Dieu, son nom. Il est Dieu. Sans la Bible, avec la Bible, même si on brûle toutes les Bibles, même si on brûle tout le monde entier, même si tout le monde se désire, il est Dieu. Qu'il nous bénisse. Amen, amen, amen. Ils ont de l'air, c'est toi, le paraclet. De toi, ayons les yeux fixés dans la patrie céleste. Jésus vêtu de gloire, oh, rayonnant de majesté, laisse son esprit parmi nous. Moi je crois en sa parole. Il a dit, je monte vers le Père. Je ne vous laisse pas orphelin, car mon esprit est parmi vous, l'esprit de Dieu. Il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, oh, il est parmi nous, le Saint-Esprit. Il est parmi nous, il est parmi nous, oh, il est parmi nous, il est parmi nous. Il est parmi nous, l'Esprit de Dieu, et comme au jour de la Pentecôte. Comme au jour de la Pentecôte, moi j'ai besoin de l'onction. Oui, comme au jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Oh, comme au jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Comme au jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Voici le moment que Dieu a choisi pour te bénir. Voici le moment que Dieu a choisi pour te lever. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, eh. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Repense-nous, ton Esprit Saint, façonne-nous entre tes mains. Repense-nous, repense-nous, oh Papa, ton Esprit Saint, viens, façonne-nous, façonne-nous. Oui, entre tes mains, entre tes mains. Viens rallumer notre flamme. Oh, viens purifier notre cœur. Oh, façonne-nous entre tes mains. Repense-nous, ton Esprit Saint. Façonne-nous, façonne-nous entre tes mains, entre tes mains. Façonne-nous, refais-nous force. Ne nous reprends pas, ton Esprit Saint. Sois béni, Seigneur. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Oh, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit, et si tu crois, tu verras ma gloire. Oh, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Oui, ta vie. Que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Moi je connais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Shada Adonai.